Suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta ahora y gozatelo. Métele sazón, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yavia con el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky, no te la de Pinky, que yo te he visto fumando creep. Pero tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, Ron, Ron. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio. Chibabenme. Sky rompiendo. Sky. Tiny. Tiny. Viste. Viste. Il vous reste 2 minutes pour tenter de gagner votre enceinte Bluetooth Ultimate Ears, la Boom 3. C'est une cam de ouf et on vous l'offre. Il y a juste à appeler le 01 42 48 5000. On prend le gagnant là dans un instant. On vous prend, ouais. Le temps pour moi de vous parler de ce bon plan. Alors, bah ouais. Effectivement, il y a un petit peu de thunes à se faire. Bah, il y a 88 000 euros, à savoir 100 000 $. Mais attention, c'est un concours qui est organisé de manière internationale. Tout le monde peut jouer. En revanche, il va falloir donner de sa personne, je vous le disais. L'expérience est dingue. Est-ce que pour 88 000 euros, vous seriez prêt dans l'équipe à vivre un an sans smartphone? Attention, faut vous séparer absolument de tout smartphone. Pas d'appel, pas de WhatsApp, pas de Candy Crush, pas de match Tinder, plus rien du pas tout. De match Tinder. Ah bah pendant un an, non. Et on me fait pas le coup de ouais, mais j'ai mon iPad à côté, je le trimballe partout. L'expérience elle est globale. Excuse-moi, c'est toi qui as fait le concours ou Non, c'est pas moi, c'est une marque de boisson très célèbre qui s'appelle Vitamine Water et c'est la récompense qu'ils proposent si vous relevez ce défi. Tu t'en fous, t'envoies des mails, tu te débrouilles. Comment on faisait? Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, maintenant, on est dans une époque où, quand même, admettez que c'est compliqué de vivre un an sans smartphone. Ça correspond quand même à 7300 euros par mois. Hein, tu le fais. C'est pour ça que c'est impossible à pas faire. C'est la folie. Il faut quand même une volonté de faire. Moi, je sais pas si j'en suis capable. Franchement, c'est seulement un an, ça passe hyper vite. Et on parle de 100 000 $, quoi. Ça fait du bien en plus. Bon, alors, si vous voulez tenter votre chance, il faut aller suivre les comptes de la marque Vitamine Water. Et il faut tweeter avec le hashtag NoPhoneForYou. Et conteste. De toute façon, allez voir les comptes Vitamine Water, tout est expliqué et tout, ça a fait le buzz aujourd'hui. Comme ça, vous aurez toutes les règles. Comment on vérifie que vous n'avez pas le smartphone? Par contre, ça, j'en sais rien. Mais par contre, je vois pas leur intérêt à eux de faire ça. Je sais pas. Ça fait de la pub, la marque. Tout le monde part de Vitamine Water. Regarde, c'est énorme. On en parle. Oui, on en parle. Et bravo pour cette initiative. Si vous avez envie de tenter l'expérience, allez-y, 100 000 $ à choper. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a peu qui disent Vitamine Water. Je t'emmerde, ça va pas ensemble, c'est vrai. Vitamine et water, ça va pas ensemble. Mais water est un mot rigolo. Oui. Bon, juste avant d'accueillir l'équipe de la Vinfun, ça y est, on a tiré au sort. Oui. Ah. Une personne a été tirée au sort et une personne nous entend, est au standard au 01 42 48 5000. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Déjà, c'est une femme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément. Clément Poteau, t'as appelé le standard? Ouais. Et mon chat, et pas de suspense, hein, t'as été tiré au sort, tu gagnes ton enceinte Ultimate Ears, la Boom 3. Franchement, c'est un super beau cadeau de Noël. Tu vas voir, moi je l'ai acheté à mon père pour cette année. Si, je vous jure, je l'ai acheté pour un an parce qu'il voulait une enceinte Bluetooth. Alors, je sais pas ce qu'elle vaut encore, mais en tout cas, les vendeurs m'en l'ont vendu comme jaja. Bon, bah écoute. C'est trop cool. Je te ferai un retour, je te dirai si elle est bonne. Faites une conférence, les gars. Ouais. Marion, répète le cadeau de Noël et le prénom à qui tu l'offres. De toute façon, il me l'a demandé. Il m'a demandé une enceinte à Noël. Donc, il y a juste la marque. Voilà, au pire, il le découvre ce soir. Bon, et comme ça, il sait. Ouais. J'ai pas dit la couleur, elle est noire. Allez, on t'embrasse, Clément. Merci de nous avoir appelés. Bonne soirée, à bientôt. Salut les filles. Bisous, le petit Rose. Bah, vous vous moquez, mais moi j'ai un super cadeau pour le repas. Non, mais c'est pas vrai, le cas de tout le monde, parce que je vous rappelle que vous êtes largué niveau cadeau dans cette équipe. Personne n'est à jour. Hein. Oui, mais nous au moins, ça sera une surprise. Ouais. Ouais. Karel, Doc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un petit peu gênant ce soir, parce qu'on a été témoin de quelque chose dans la cantine. C'est Kassim qui rigole parce que vous savez ce que c'est. Vous êtes vraiment des tarbins. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes des tarbins parce que j'ai baillé. Bah, moi je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au réfectoire, lorsque mais moi j'aime beaucoup ce mot. Il faudrait qu'il revienne à la mode. Ouais. Parce que je trouve que c'est bien de dire réfectoire. Et au réfectoire, voilà, on a les télés. Oui. Qui vous filme, ouais. Et notamment pendant les pauses et parfois la caméra reste sur Anso, ah oui. Qui se décrotte le nez et fait des boules avec sa crotte. Non, mais quel mytho. Non, c'est pas vrai. Alors oui, j'ai baillé très fort et je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit bah merde, les gens ils vont dire elle est crevée et tout, c'est pas cool. Bon, j'ai eu un petit baillou, ça peut m'arriver. Ah, mais non, je me décrotte le nez que alors, nous seulement avons, hors alors, caméra. Alors Anso, nous avons les images. Oh, non, ah non, alors, les bâtards, il n'y a pas classe. C'est pas vrai, c'est faux. Voilà, alors c'était pour créer. Sinon, je vous le dis, c'était naze. Elle est vénère. Mais non, mais c'est crade en fait, donc c'est pas drôle. Mais non, tu bailles. Tu bailles, c'est rien. Je baille, je m'en fous. Mais si un jour tu me vois décrotter le nez et que tu me filmes, mec, ça va pas le faire en fait. Et tu te décrottes jamais le nez, babou. Si tout le monde le fait. Bah non, moi je les mange. Non, mais tout le monde. Moi, c'est pareil. Non. Doc aussi, il n'y a pas de mal non, à ça. Mais je vous dis juste qu'il y a des choses que j'aime pas qu'on filme, c'est tout. De toute façon, on est filmé à 24 tout le temps. Parfois, on se renifle, on vérifie un petit code transpi et tout, et on se voit en train d'être filmé. Bah, ouais, si, mais ça me dérange pas qu'on me voit me renifler, tu vois. Là, toi, c'est vraiment les crottes de nez, quoi. Ouais, c'est un truc qui est trop perso, quoi. Bon, eh ben, on fera attention. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes tous ce soir. Ouais, alors, Alice a décidé de quitter Fun Radio. Si tu imagines en un week-end, c'est... Non, pas du tout. En fait, c'est il y a eu beaucoup. Nulle. Il y a eu des grosses chutes de neige. Ah bon? Et ouais, puisqu'elle est rentrée à Metz et tout. Ah oui, et il a bien neigé là-bas et du coup, elle a raté son train. Donc là, peut-être qu'elle arrivera pendant l'émission. Ah ouais? Donc elle vient en voiture. Ouais, on va l'appeler là. Elle doit être. Non, elle vient en train. Oh la tannée, pauvre femme. Ouais. Et bah, bon courage à elle en tout cas. Et puis bah, bonne émission à tous les deux en amoureux du coup. Hein. Gros bisous. Bah ouais, hein, Doc. Hein, c'est ski ce soir. Ça va tu pas. Bon, nous, on se retrouve tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. On est dimanche soir, on est en direct, on attaque l'émission. Il est 22h03. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que ça s'est bien passé là, vendredi, samedi, à la cool. Et votre dimanche, c'est généralement la journée où on est à la cool, on se repose, ou on profite pour faire les dernières courses de Noël. Hein. Parce que ça y est, là, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et j'aime autant vous dire qu'on va passer une belle soirée là ce soir avec vous tous, vous toutes. On est plutôt reposé. J'ai vu Doc, pourtant qui est sorti hier soir, hein, jusqu'à 4h du matin. Hein, Doc qui fait des gros stuff et tout. Non, c'était une petite soirée, je te dis. Une petite soirée, ouais. Tu sais, quand ça se termine à 4h du matin, bah, généralement. Oui, pour Doc, c'est tôt. C'est ça qui est fou, quoi. C'est comme quand on a fait les 48 heures Love in Fun et que Doc nous a couché. Hein, non, mais il faut quand même le savoir. Hein. C'est vrai que c'est une soirée un peu particulière puisqu'Alice n'est pas là. Hein, bah oui. On l'a perdu. Il est prévu qu'on l'appelle ou pas? Ouais. Hein, elle répond pas, je crois, pour l'instant. On essaie en direct. On essaie quand même de l'appeler en direct. Je rappelle qu'Alice a été bloquée par les intempéries. Oui. Une fois votre message. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est le répondeur d'Alice. Hein. C'est-à-dire que quand vous appelez Alice et que vous tombez sur ce répondeur, il n'y a pas de message. C'est bip tout de suite. Donc, on essaiera peut-être d'avoir Alice. Alors, je ne sais pas si elle va arriver pendant l'émission ou pas. Hein, Kassim, le grand reproducteur. Ouais. Il est prévu qu'elle vienne ou pas alors? Je sais pas, je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà 20 minutes de retard et qu'elle arriverait vers 22h30. Donc à mon avis, si elle arrive à 22h45, je sais pas si elle va venir. Ah ben c'est ça, 22h45 à la gare. Oui, à la gare. Et après il faut venir à Neuilly. Ah voilà, c'est long. Ah bah ça va être dur, hein. Ça va être dur un mois si elle est pas là. Ça va pas. Ça va pas. Heureusement il y a Coco et Méloche au standard. On est là, nous. Ah ça, ça fait plaisir. Toujours fidèle au rendez-vous. Fidèle, on n'a pas le choix, nous. On n'a pas le choix. On est payé un petit peu quand même. Exactement. Ah bah, quand même. Ah, ça une fait fortune, plaisir. Une fortune. Ah bah je vois Méloche avec un large sourire. J'ai l'impression que c'est pas assez. Non, c'est pas assez, mais on en reparlera, Karel. Ah ouais, d'accord, ok. On va accueillir Dorian, 21 ans de Toulouse. Bonsoir Dorian. Salut l'équipe. Salut Dorian, tu veux que je te donne l'eau à la bouche de ce qui va se passer ce soir dans l'émission? Vas-y. Tu vas baver de plaisir ce soir, mon ami. Ce soir, on fera une battle avec un jeu que j'ai totalement inventé, mais qui a déjà été fait. C'est ça qu'il faut voir. On va jouer à Épelle le mot pour gagner. Ah, ça, c'est du jeu, ça. Vous voulez un exemple? Allez, vas-y. On fait un exemple avec Kassim. Allez. Mycose. Mycose. Mycose. Ça bravo. Bravo Kassim. On va en faire un plus dur. Bravo. Je suis étonné moi-même, quoi. Et tu vois, si on fait ornithorynque. Oh là. Alors là, à demain, Kassim. Déjà c'est loupé. On te laisse là-dessus. Ouais, on fera une petite battle. Il y aura des mini drones à gagner ce soir pendant l'émission. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler là au standard. C'est Méloche qui va décrocher. 01 42 48 5000. On va aussi écouter du son ce soir dans l'émission. Il y aura Criss Cross Amsterdam. Est-ce que tu aimes bien ça, Dorian, à Toulouse? Ouais, si, j'aime bien, ouais. Franchement, ouais. Il est cool ce son, hein. Découvert sur Fond Radio la première fois, ça c'est Robin Schulz. Avec Speechless. Bon, au niveau de l'accent, je suis pas sûr. Mais Speechless. Ça doit être à peu près ça. Hein. Ça, c'est sûr, je connais par cœur la prononciation. Qu'émotion! Qu'émotion sur Fun Radio. The Night We Met. Ça, c'est à découvrir. Franchement, c'est un son que je kiffe énormément et que vous allez entendre sur Fun Radio dans la soirée dans Love in Fun. On va donc démarrer cette émission avec Dorian, qui a 21 ans, qui est de Toulouse et qui est en flip. Enfin, tu flippes pour plusieurs choses, déjà de passer à la radio, Dorian. Ouais, d'une part, ouais. D'une part, et puis de deux, parce que tu sens que là, t'es un petit peu au bout de ta vie. Tu vas tout nous expliquer, Dorian. Ouais, donc je vais vous expliquer les grandes lignes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis séparé de ma copine il y a quelques jours maintenant. Donc ouais. Donc j'étais avec elle depuis un an et demi. Ok. Voilà, et ça se passait plutôt bien. Bon, voilà, on a fait un petit break cet été de un mois, mais bon voilà, on se voyait quand même très régulièrement, donc on a décidé de se remettre ensemble. À cause de quoi le break? Moi, j'étais pas sûr de mes sentiments, donc je me posais vachement de questions, et donc j'ai préféré me poser tranquillement, me recentrer sur moi-même, et puis après, voilà, on se voyait quand même beaucoup, donc on s'est remis ensemble, on a décidé de se remettre ensemble. Quand? Donc, au mois d'août. Ah, c'est-à-dire que tu t'es fait les vacances tranquilles sans ta meuf. Non. T'es vraiment un enfoiré, Dorian. Non, mais juste à moi, et j'ai pas été voir ailleurs ni rien, et elle non plus, donc. Ok, donc il y a pas de souci. Donc, moi, je vous appelle parce que, du coup, vous doutez bien, ça s'est pas bien fini. Attends. Alors, Dorian, t'as la faculté, toi, de parler trop près du téléphone. Il va falloir que tu sortes un petit peu ta bouche de ton téléphone pour qu'on t'entende bien, parce que sinon, ça crépite. Ça marche. Ça va mieux, là? Ouais, ça va mieux. D'accord. Donc, comme je vous disais, je suis resté un ami avec ma copine. Et donc, je me suis séparé il y a quelques jours. Et la raison, elle est simple. C'est que j'ai créé un compte Tinder pour la rendre jalouse et qu'elle s'implique plus dans notre couple. Attends. T'as créé un compte Tinder pour la rendre jalouse et qu'elle s'implique plus dans votre couple? Alors... Voilà, dit comme ça, c'est compliqué à comprendre. Ah non, c'est très simple à comprendre. On a juste compris que t'étais un peu con, quoi. C'est un peu tordu. Mais... Ah oui, Dorian, pour la rendre jalouse, c'est pourquoi t'as des doutes en ce moment? Tu trouves que... Non, en fait c'est quelqu'un de réservé. Et moi, je suis quelqu'un qui est entreprenant. Donc, dans le couple, c'est moi qui portais un petit peu le poids du couple sur mes épaules. C'est pas un poids, c'est pas négatif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui portais le couple un petit peu au bout de bras, et j'aurais bien aimé que par rapport à quoi tu portes le couple, à la prise de décision, par rapport aux initiatives qu'on peut prendre dans un couple. Okay. C'était plutôt moi qui les prenais qu'elle, donc en fin de compte j'ai décidé en fait de lui donner de lui, pas un ultimatum, mais de lui expliquer, voilà, je lui ai expliqué, en gros, voilà, j'aimerais bien qu'il prenne plus d'initiatives. Et donc, ça s'est pas fait. Donc, moi, j'ai essayé de mon côté de, voilà, être plus présent pour elle encore. Donc, essayer entre midi et deux d'aller la voir au boulot, manger avec elle, faire un bowling le soir, une semaine, histoire que, voilà, on puisse discuter en dehors du boulot. Parce que, oui, non, mais le compte Tinder, là, ok, voilà, ça c'est ta vie au quotidien avec elle, mais le compte Tinder, c'est ça qui a déclenché la rupture. Donc en fait, comme je vous ai dit, le compte Tinder, c'est, je pense, la goutte qui a fait déborder le vase, parce que on s'est séparés au mois de un été, donc elle avait perdu un petit peu la confiance en moi parce que je l'ai un peu abandonné en fin de compte. Et là, le compte Tinder, en fait, c'était parce que je pensais qu'une amie à elle allait me balancer, exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, une amie à elle m'a vu sur ce site, donc Tinder, ouais. Elle lui a répété. Et en fait, bien sûr, elle a perdu confiance en moi et elle s'est dit que je l'avais trahi, ce que j'ai fait réellement, même si j'ai pas matché, même si j'ai pas été, j'ai juste créé le compte. Hein. C'est tout. Oui. Bah alors, sérieux, il y a des gens qui se séparent juste parce que quelqu'un crée un compte Tinder. Bah ça veut dire que t'es à la recherche de quelqu'un d'autre. Mais non, ça veut dire que tu veux t'amuser pour te marrer. A priori, elle l'a pas vu comme ça. Elle l'a vu comme tu cherches ailleurs déjà, donc tu veux arrêter la relation. Ce qui l'a mise en flip. Toi, tu voulais certainement juste faire que elle ait un électrochoc en disant oula, peut-être qu'il va me quitter, il faut que je m'y remette. Et puis voilà, c'est ça, exactement. Et le problème, c'est que du coup maintenant, ce que je recommande, parce que toutes les filles qui m'écoutent et qui nous écoutent ce soir, elles disent c'est un pauvre con d'avoir fait ça, et puis je suis d'accord avec elles. Hein. Mais le problème, c'est que du coup, maintenant... Tu veux faire quoi maintenant, Dorian? Parce que là, maintenant que t'as posé tout, là, on a bien compris, tu veux aller où ce soir? C'est quoi l'histoire? Moi, je voudrais présenter mes excuses. Je sais que vous êtes la radio qui est la plus écoutée en France, et je voudrais juste lui présenter mes excuses et lui demander si ça l'intéresse d'aller boire un verre avec moi. On t'a bien renseigné. Bien renseigné, toi, t'es au fait de l'actualité radio. Ça vient. D'accord. Et Dorian, calme-toi, putain. Je te sens là, t'es en roue libre, t'es stressé de ouf. Putain, détends-toi. Hein? Ouais, ok, ça marche. Là, Dorian, je veux savoir un truc. T'es modèle photo, toi, dans la vie? Je fais des photos, ouais, un petit peu, mais pas énormément, mais je suis un peu tout. Beau gosse, c'est sûr. Bon, alors, Dorian, t'as créé ce litige, hein, puisque t'as été sur Tinder. Aujourd'hui, Roxane, elle t'a quitté, c'est ça? Ça fait combien de temps? Elle m'a quitté il y a une dizaine de jours. Une dizaine de jours, et t'as plus de nouvelles ou t'as encore des news? Non, je vais appeler quand même tout à l'heure pour quand même prendre des nouvelles et savoir comment elle allait. Donc ce soir, tu veux t'excuser? Elle te répond. Elle me répond et puis elle répond au message. D'accord, bon, ça n'a pas l'air mort. Non, ça n'a pas l'air mort. Voilà, non, mais après, voilà, comme je vous dis, vous avez sûrement l'expérience de toutes ces personnes qui passent à la radio, mais moi, c'est la première fois que je suis avec celle-ci. Et moi, elle m'a dit, j'ai plus confiance en toi. Quoi. Depuis 10 jours, tu lui as déjà expliqué tout ça? Alors je lui ai expliqué, mais peut-être pas forcément avec l'aisance et la calme attitude dont je fais preuve aujourd'hui, parce que forcément j'étais touché par la séparation avec elle, donc j'ai pleuré, quoi, tout simplement, j'étais en pleurs, j'étais anéanti, quoi, donc parler en étant anéanti, c'est pas forcément la meilleure des solutions pour régler un problème, quoi. Donc. Bon, écoute, Dorian, on va lui passer un petit coup de téléphone dans un instant, d'accord? Ouais. Ok, bon, on va t'aider. Ouais. Je sais pas si vous voulez parler en premier ou si vous voulez que je parle, tu vois. Ouais, et ça, c'est Dorian le stressé. qui va parler en premier? C'est quoi, Dorian? T'as envie de parler en premier, tu parles en premier, t'as envie qu'on parle, on parlera. Je pense que le mieux, c'est que tu parles. Ouais, je sais, ouais. Et nous, on écoute, et dès qu'on sent qu'il faut qu'on agisse, on agira. D'accord? Ok, ça marche. Dorian, j'ai l'impression que ce soir, t'as fait appel à des professionnels. D'accord, super, merci. C'était une question. Hein, mais c'est une réponse alors du coup. Ouais, ça fait plaisir. Écoute, on le prend comme ça, hein, cash. Vous écoutez Fun Radio, la radio le plus écoutée de France selon Dorian. Et avec Black Coffee Drive sur Fun Radio, on n'est pas loin, tu sais, Dorian. Si on n'est pas premier, on doit être au podium. Mais pas au pied, hein. Sur le podium. Restez avec nous. Dans un instant, on revient avec David Guetta et avec Dorian qui va appeler et tenter de récupérer sa copine Roxane. Tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr.

02 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio tous les soirs du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Et ce soir, on parlera des tue l'amour. Venez nous dire si vous avez déjà été face à un tue l'amour. Hein, c'est les trucs rédhibitoires. Ça peut même être des motifs de rupture. C'est quand un tue l'amour, Doc, c'est quand on a du désir pour quelqu'un, quand tout à coup, le tue l'amour. Oui, c'est ça. C'est à force aussi, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, ça peut passer. Et puis quand tu vois que c'est récurrent tout le temps, il y a des trucs. Voilà, c'est propre à chacun, parce que ce qui marche pas chez l'un peut très bien marcher chez l'autre. Moi, par exemple, je vois une vieille culotte toute dégueulasse. Tu vois, moi, je sais que moi, ça va être un peu rédhibitoire. Kassim, ça va l'exciter. Ah ouais, moi, je la sens, moi, direct. Voilà, et je me branle. On se calme, voilà, ça peut être des ongles de pied dégueu, une odeur de paix, voilà, c'est... venez nous raconter. 01 42 48 5000, on parle des petites choses de la vie, hein, et on va essayer d'aider Dorian. Eh oui, parce que d'aider Dorian, c'est pas facile à dire, enfin pour moi en tout cas. Dorian a 21 ans, il est de Toulouse. Ça va mon Dorian ? Ça va et toi ? Ça va, alors est-ce que ça va mieux ? Ça va tranquille, ouais, ça va toujours bon. Bon, parle pas trop près du téléphone, je te le rappelle. Alors, ouais, Dorian nous a expliqué. Et oublie pas de respirer. Voilà, et Dorian nous a expliqué sa situation. Je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, Dorian, ça fait un an et demi qu'il est avec sa copine. Sauf que là, bah, depuis une semaine, c'est terminé. Il y avait eu une petite rupture pendant le mois de juillet. Et puis finalement, ils se sont remis ensemble. Et puis là, il y a eu Dorian qui a téléchargé l'application Tinder, a commencé à aller liker, à faire des cœurs. Hein, et il y a juste pour la rendre jalouse. Juste pour ça. Voilà. Donc, mais c'est un peu débile, hein. Ça, on est tous d'accord. Et toi, le premier, hein, Dorian, il va falloir que tu lui dises ça. Des petits conseils pour Dorian, Doc. Alors, la première chose, c'est que effectivement, comme il est stressé, ce qui se comprend, c'est de prendre des grandes respirations pour diminuer le stress. Hein, ça marche très bien. Ouais, alors, là, il est asthmatique, le mec. Hein. Hein, tu le sens. Pourtant, voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est de parler doucement, calmement. Voilà, t'es pas de stress ni speed. Et puis, fais-toi confiance, surtout. C'est-à-dire que vraiment, mets tout ce que tu es toi quand tu vas lui parler. Ça, c'est une compétition. Mais vraiment toute ta sincérité en jeu, tu vois, quand tu parles vraiment pour que tu lui fasses saisir dans ta voix et tes mots que c'était vraiment que du test, ça servait à rien d'autre, que voilà, c'était pour la rendre jalouse et strictement rien d'autre. Il faut qu'elle perçoive ça quand tu lui parles, hein. Okay. Voilà, et que voilà, c'était pas pour autre chose, et que oui, tu veux la récupérer, enfin voilà, fais-le lui comprendre en parlant calmement, distinctement et doucement, voilà. Ok. Bon, alors moi, je rajouterais, Dorian, après c'est toi qui vois, mais bon, moi à ta place, je marquerais aussi un geste fort, je la demande en mariage, comme ça. Tu vois, très bonne idée. Non, mais attends, Dorian, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu veux la récupérer. Je sais ce que je veux, mais là, quand même, tu pousses. Mais tu veux pas te marier avec elle. Donc, ça, on lui dira pas. Allez, Dorian, c'est parti. On appelle Roxane tout de suite. J'espère qu'elle va répondre. Allez, go. Elle répondra. Calme, calme, respire. Elle répondra. Sinon, Coco sera viré. Coco du standard. Son travail, c'est qu'elle réponde. Alors, Coco, tu paniques? Coco, je vais te demander de prendre la porte. Rapproche-toi du tourniquet de Fun Radio. Elle décroche pas, c'est pas vrai. Ah merde. Bon, on rappelle tout de suite. Normalement, ça doit décrocher. On appelle sur la ligne sécurisée ? Ok, la ligne de Brigitte Macron. C'est avec cette ligne-là qu'elle appelle le président. Pas facile de dégoter cette ligne. Mais peut-être que la ligne est occupée par Brigitte qui appelle son mari. Ah. Bon. Dorian. Oui. Dorian, chez nous, c'est jamais 203. Donc on va retenter une troisième fois. Et si jamais ça ne décroche pas, nous dirons au revoir à Coco ce soir. Le silence stress de ouf. Et toi, ta copine. C'est ça, Dorian. Doc, il est encore pire que moi. Hein? J'ai dit un message, donc. Oui, allô? Bon, bah écoute, ça ne décroche pas. Dorian ? Oui. Bah écoute, démerde-toi, hein, du coup. Bon, alors, ce qu'on va faire, Dorian, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va... Tu me laisses parler ? On va... C'est bon, elle est là. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bon, et je percute. Bonsoir, Roxane. Ça va bien ? Allô, Roxane ? Oui. Oui, bonsoir Roxane. Excuse-moi de te déranger, je suis avec Dorian, il a quelque chose à te dire. Tu acceptes de lui parler ? Oui. Eh bien, il est là. Ouais, Roxane, ça va ? Oui, et toi ? Ça va, je te dérange pas ? Non. Non, t'inquiète, on est tous les deux, t'inquiète, c'est un pote à moi. Parce que tu sais que... Non, Dorian, tu commences pas par mentir. On t'a dit de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc tu y vas et tu dis toute la vérité, rien que la vérité. Ok. Bon, mais écoute, Roxane, j'espère que tu vas pas mal le prendre. Mais du coup, en fait, là, on est sur Fun Radio en direct, devant toute la France. Et en fait, j'avais 2-3 trucs à te dire. T'es pas obligé de répondre, t'es pas obligé de répondre tout simplement, mais juste, je te demande d'écouter, si tu veux bien. Mmh. D'accord ? Ok. Du coup, déjà, tu sais très bien ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, j'ai fait le con, j'ai téléchargé cette application et puis on s'est embrouillé, j'étais vachement mal parlé. Donc, déjà par rapport à ça, je voulais te présenter mes excuses. Je voulais présenter aussi mes excuses par rapport à l'application que j'ai téléchargée et ce que j'ai fait. Après, je comprends, tu vois, ton choix de te séparer de moi, tout ça, je comprends tout à fait. Et puis, si j'étais à ta place, je pense que j'aurais fait de même. Mais je pense que avoir téléchargé l'application, c'était pas forcément la meilleure des solutions pour arranger la situation, parce que je trouvais que t'étais pas assez impliqué. Donc, je tenais juste à te dire que t'es une fille adorable, t'es la 8e merveille du monde. Enfin, donc pour moi, t'es magnifique et t'es parfaite. Donc, je voulais juste te dire ça et te le dire devant toute la France pour que tu saches que moi je t'aime et que c'est sincère. Donc, après, t'es pas obligé de répondre et t'es pas obligé de te justifier puisque toi t'as rien fait. Mais moi, je voulais juste te le dire. Après, je comprendrai si tu veux plus jamais me parler et que tu veux plus jamais que je te parle, je peux le comprendre. Et si tu préfères, pour être tranquille, bloquer mon numéro, je comprendrai aussi. Mais, je voulais juste te dire ça et te dire que je t'aime. D'accord. C'est tout. Ok. Excusez-moi, je suis en train de jouer du piano. Ouais, moi je ferais ça. T'avais pas besoin de passer par ça pour me le dire. Ouais, je sais, mais. Je voulais juste que tu saches que moi en fait j'en ai rien à foutre de passer pour un gros connard ou passer pour un con aux yeux de la France entière. J'en ai rien à foutre en fait de l'image que je donne aux autres. La seule image qui est importante pour moi c'est celle que je reflète dans tes yeux et voilà. Donc, ce que je reflète dans tes yeux maintenant c'est parce que... C'est parce que je représente donc... C'est tout ce que je voulais te dire. Maintenant, j'espère que t'as écouté et que, bien sûr, comme je t'ai dit, tu peux aller coucher avec qui tu veux et sortir avec qui tu veux et être heureux avec une autre personne. Mais ce que je voulais te dire, c'est juste que je voulais te présenter mes astuces parce que t'es la fille la plus parfaite que j'ai jamais vue de ma vie. Et voilà. C'est tout. I love me. Is shining today. It's so marvelous. Bon alors Roxane, par contre il va falloir parler ma chérie parce que là sinon... Mais parce que j'ai rien à dire sur ça en fait. Ok, alors Roxane, Dorian, franchement, il a été vachement touchant. Ouais. Je trouve que, enfin voilà, il s'est lâché de ouf. Il a assuré. Et il n'était pas sûr de lui tout à l'heure quand il nous a appelé. Donc, tu es dans Love in Fun, Roxane. Tu l'as compris en direct sur Fun Radio dans toute la France. Moi, je m'appelle Karel. Il y a un médecin sexologue qui s'appelle Doc. Salut. Et puis toute l'équipe qui est là autour du studio. Salut Roxane. Et en fait, Dorian, il nous a expliqué la situation. Il a été jusqu'à nous raconter, voilà, le mois de break, hein, au mois de juillet. Il nous a raconté aussi cette application Tinder qu'il avait téléchargée un petit peu pour te rendre jalouse. Juste pour ça même. Et puis là, il nous dit que depuis une semaine, il n'est plus que l'ombre de lui-même et il s'est rendu compte de sa connerie. Et ce soir, il essaye de te récupérer. Et un mec qui veut te récupérer juste avant d'offrir le cadeau de Noël, c'est forcément un mec intéressant. Ouais, ça va bien. Hein, c'est vrai, il y a souvent des gens qui larguent juste avant Noël. Hein, et là, c'est le contraire. Il aurait pu attendre janvier. Non, après, ouais. C'est ça. Alors Roxane, ton sentiment là, comment tu te sens toi, si tu acceptes bien sûr d'en parler? Mon sentiment par rapport à ça? Bah oui, par rapport déjà à ceux de Dorian, puisqu'ils ont l'air quand même assez forts, tu vois, pour qu'ils nous appellent comme ça, qu'ils passent à l'antenne de fin de radio, quand il appelle Coco l'après-midi, qui lui dit, écoute, vous êtes mon dernier espoir, parce que j'arrive plus à la récupérer, enfin, je pense que j'ai tellement merdé qu'il faut au moins que je passe sur fin de radio pour que ça se produise. C'est que... il avait besoin un peu de courage aussi, et ça lui en donnait de passer par la radio. C'est pour ça que, oui, il aurait pu t'en parler d'abord, mais il avait du mal à trouver les mots et trouver le courage, et la radio, ça lui donnait de la force. Donc Roxane. Ouais, mais enfin, pour moi, ça va pas changer la situation. Ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui, t'as pas envie de retourner dans les bras de Dorian ? Bah parce que j'ai plus confiance en lui. Plus confiance ? Ça paraît logique. Parce qu'il est modèle photo, qu'il est beau gosse et qu'il est téléchargé Tinder ? Ben c'est surtout par rapport à ça, en fait, par rapport à parce qu'il a téléchargé Tinder, c'est tout. Et... ouais, mais Tinder, il ne l'a téléchargé que pour te rendre jalouse. C'était juste fait pour ça. C'est une connerie, ouais, on est d'accord. Pas fait savoir. Non, mais maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Voilà. Mais il l'a pas fait pour rencontrer des filles. Après. Oui, mais ça je m'en fous, mais c'est pas la première fois. Ah bon ? C'est pas la première fois que quoi ? Ben, que j'ai des retours par rapport à ça, comme quoi, ben, c'est pas la première fois qu'on va sur Tinder. D'accord. Parce que si on va sur Tinder, c'est que forcément, on veut tromper sa copine. Ah non, pour moi, je suis désolé Roxane, mais on peut aller sur Tinder pour déconner deux secondes avec ses potes. Pour se branler. Bon, alors après, il y en a qui sont mitigés sur Tinder. Hein. Tout le monde va pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais moi, je sais que j'avais téléchargé Tinder alors que j'étais en couple et tout. Et enfin voilà, c'était pour déconner quoi, tu vois. C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai aussi que ça peut être pour fantasmer, par exemple. Oui, non, mais voilà, je voulais voir. Fantasme, ça reste un fantasme. Oui, non, mais moi, j'ai l'impression. Enfin, là, c'est pas le cas en plus, donc. Moi, j'ai l'impression, Roxane, c'est pas que t'as pas confiance en lui. Moi, je pense que t'as pas confiance en toi. Ah, bah oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Moi aussi. Mais c'est vrai parce qu'il est parce que Dorian, il est avenant, il est c'est un beau parleur, c'est un baratineur, il est plutôt beau gosse en plus. Enfin, voilà, il a des facilités pour aller vers les autres, t'es d'accord avec ça? Oui. Et tu penses presque que toi t'es pas à la hauteur? Non, c'est pas par rapport à ça, enfin il y a aucun rapport, mais je sais pas, pour moi il y a aucun intérêt. Aucun intérêt à quoi? Bah ce qui fait ça enfin. Qui fait quoi? Ce qui s'était chargé Tinder, enfin, qui soit une idée. Il te l'a expliqué, j'ai été clair aussi. Oui, c'est pour te rendre jalouse. C'était fait pour que tu te dises oh là, il risque de me quitter, il y a danger, donc je vais m'investir davantage. C'est mal joué. Il a cru que tu allais avoir une réaction, c'est pas celle-là que tu as eue, tu en as une autre. Voilà, c'est un jeu, il a perdu. Bon, il s'est rendu compte de sa connerie, mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle il l'a fait. Ouais, mais là, c'est trop tard. Alors, on tourne d'accord. Un peu en rond. Donc, bon, Roxane. Tu réfléchis et puis. Ouais. Hein, c'est... Bah, écoute, franchement, Dorian. Ouais. Dorian, écoute, t'as été. Franchement, je trouve que t'as été au parfait. Top. Roxane, elle est pas du tout dans. Enfin, voilà, dans ce que tu lui as dit. Je crois qu'elle est toujours autant vénère par rapport au fait que t'aies téléchargé Tinder. Maintenant, aujourd'hui, quoi, à 22h34, si maintenant les couples se séparent parce qu'il y en a un qui a téléchargé Tinder. Oula. Ah putain, merde, quoi. Ah bah, ils vont tous se séparer. Merde, désinstallez, les gars. Hein. Désinstallez, là. Désinstallez. Tinder va faire une chute brutale. Je peux comprendre. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est vrai. Après, quand il y a la communication dans un couple et qu'on discute et qu'on parle et que Dorian vient dire tout ça, hein, on le sentait presque comme s'il était à genoux en train de dire ça, train de pleurer, en train de te dire je t'aime. Bon, ça me semble vraiment. Mais faut laisser le temps, peut-être, que l'œuvre se fasse et puis que des décisions se prennent et que vous vous reparliez. Roxane, je trouve que t'as un cœur de pierre. Bah là, oui. C'est que t'as vraiment dû être très déçu. À mon avis, il n'y a pas que ça, parce que sinon, je ne comprendrais pas que tu sois comme ça juste à cause du fait qu'il ait téléchargé une application sur son téléphone. Après, comme je t'ai dit, quand même, on s'est séparés au mois d'août et enfin au mois de juillet. Et on en avait déjà parlé. Elle avait moins confiance en moi parce que je l'ai totalement abandonné. Quand on s'est séparés, je lui ai dit du jour au lendemain, on se sépare et. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Ah, t'as merdé. C'est les aventures de chaque couple, mais de chaque fois qu'on chute, on doit apprendre pour se relever et avancer. Ça doit pas, la chute ne doit pas servir à s'arrêter. Sinon, on monte jamais sur un vélo. Bien sûr. Bravo. Bien sûr. C'est vrai, c'est important de faire une analogie avec le vélo. Parce qu'on aime, le cyclisme ici à Fabrico. Bon, et écoute, Roxane, je pense que, voilà, on n'obtiendra rien de plus. Dorian, il faut laisser maintenant le temps faire les choses. Ça sert à rien. Tu as dit ce que tu avais à lui dire. Si Roxane n'a pas envie de réagir aujourd'hui, peut-être qu'elle le fera demain ou après-demain. Peut-être pas. En tout cas, une chose est sûre, Dorian, on te rappellera dans la semaine pour en savoir plus. D'accord? Ok, c'est gentil. Et Roxane, tu veux quoi de Dorian pour Noël? Je sais pas. Dorian, achète une petite bague. Hein, je sais pas, sans aller jusqu'aux fiançailles, c'est assez symbolique une bague. Hein, allez, bisous Dorian. Et baisse pas les bras. Baisse pas les bras, ouais. Et on te retrouvera cette semaine justement. On prendra des nouvelles de Dorian. À bientôt, Roxane. À bientôt. Voilà, allez. Au revoir, Roxane. Je suis sûr que ça va le faire. Mais pas ce soir. Restez avec nous dans un instant, on vient et on va parler des pires tue l'amour. Est-ce qu'il y a des trucs rédhibitoires ou même des motifs de rupture qui vous sont arrivés là? Vous êtes vous étiez en train de préparer une belle nuit d'amour avec votre chérie et là vous êtes tombé sur ses ongles de pied dégueulasses. Ça c'est un tue l'amour. Venez nous raconter les histoires de paix aussi, hein, tout ce qui peut vous arriver. 01 42 48 5000 et David Guetta débarque dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Et votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, à 8h10, Bruno paye vos factures avec WizUp, la nouvelle application de quiz en direct. Allô ? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio ! Envoyez vos factures à facture@funradio.fr. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Avec l'application WizUp, dites Wiz au nouveau quiz. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fresh Days Zalando. C'est Noël avant l'heure. Jusqu'à moins 50%, que du bonheur. J'ai jusqu'au 18 pour commander et à Noël, on est tous gâtés. Fresh Days Zalando. Et si je change d'avis, le retour est gratuit. Préparez Noël avec les Fresh Days Zalando. Profitez de remises jusqu'à moins 50% sur la mode femme, homme et enfant. Livraison garantie avant Noël pour toute commande jusqu'au 18 décembre. Et les retours sont toujours gratuits. Détails de l'offre sur Zalando.fr. Fresh Days Zalando. Bonjour, c'est Bernard de la Villardière. Aux côtés de Mike Horn, le plus grand explorateur du monde, je suis parti direction les Philippines. Bravant une météo extrême et des conditions de survie risquées, j'ai partagé son quotidien d'aventurier. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de sillonner la planète, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu avec Mike. Inédit, Cap Horn, avec Mike Horn et Bernard de la Villardière. C'est demain à 21h sur M6. De 22h à minuit sur Fun Radio. I can't go fast enough to break free from the bond of your love. And I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind. And I can't get high enough. Forget why I cry. Black Coffee sur Fun Radio, c'était Drive. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. 22h minuit. Sur Fun Radio. Et allez vous abonner à la chaîne YouTube de Love in Fun là. On vous a mis une nouvelle vidéo là pendant le week-end. C'est la vidéo d'un sexy chocolat. Et c'est Sabrina qui avait testé son mec Malik. Il y avait eu tromperie. Il y avait même eu Malik qui croyait pas qu'il était à la radio. Il avait allumé le poste de radio dans sa voiture et tout. Il s'était entendu, il était comme un dingue. Si vous voulez mater tout ça, n'hésitez pas. Sexy chocolat en vidéo sur la chaîne YouTube de Love in Fun. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour activer vos notifications, bien sûr. On va tout de suite parler des tue-l'amour. Des tue-l'amour, parce que un tue-l'amour, ça peut être rédhibitoire. Juste avant une petite partie tranquille avec sa chérie ou son chéri, ou peut-être même ça peut être un vrai motif de rupture. C'est oui, peut-être le cas au quotidien. Ah bah force, ouais, ça peut être insupportable. Bien sûr. Alors, dites-nous si vous avez déjà connu ça. Voilà les tue-l'amour dans le couple. C'est Amy qui nous appelle de La Roche-sur-Yon qui veut nous en parler. Bonsoir Amy. Coucou Karel, coucou le doc. Salut. Bonsoir Amy, t'as 26 ans. C'est ça. Tu nous appelles de la Vendée. Voilà. Mais voilà. Je tiens à préciser qu'à la base, je suis de Nantes. Donc je fais un gros bisou à toute Nantes. Loire Atlantique. Enfin voilà, la Loire Atlantique, voilà. Bien parce sûr. Que ça me manque. Mais t'es pas content d'être en Vendée? Si, mais c'est un grand changement pour moi. Après, je regrette pas. Je l'ai fait par amour pour mon chéri. Je regrette pas du tout. Et en plus, à La Roche-sur-Yon, t'as le centre commercial des flâneries. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà. Moi aussi. Tu connais tous les centres commerciaux de France parce que t'as fait la même chose à Rennes. Ah ben j'ai tout. C'est vrai. J'ai une anecdote sur toutes les villes de France. Non mais c'est parce que moi j'ai habité pendant 3 ans en Vendée. J'habitais aux Herbiers. Ok. Quand je travaillais sur une autre radio et j'allais à La Roche-sur-Yon le week-end ou à Cholet, pas loin dans le Maine-et-Loire. Ma famille est vendéenne. Et ben voilà. Et Doc est vendéen. Hein, voilà. Vous en savez un petit peu plus. Amy, le monde est petit. Hein, le monde est petit, ouais. Mais le monde est petit, c'est fou. Ça se trouve, on a un cousin en commun. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais trop. Mais c'est sûr. Peut-être trop de cousins en commun, c'est possible. Mais bien sûr. Et Amy, tu nous appelles pour nous parler de Tue l'amour. C'est à propos de ton mec avec qui t'es là en ce moment ou pas? Ah non, du tout. C'était dans mes débuts. Voilà, je cherchais. Après mon premier amour, on va dire. Donc voilà, ça s'est fini. Et donc après, comme tout le monde, quoi, j'ai rencontré d'autres garçons. Et un soir, voilà, juste au moment de passer à l'acte, quoi. Le mec il se déshabille et là je le trouve en caleçon, mais pas les caleçons moulants, les caleçons un petit peu amples, quoi. Ah bah oui. Dont les mecs un peu ils nagent un peu dedans, quoi. Genre ouais. Short de bain, quoi. Et les caleçons de Pablo du Night Show. Ouais, bien sûr. Voilà, quoi. Et genre mais avec la trompe d'éléphant, quoi. Et en plus quand il s'est mis tout nu et en érection, enfin, ça, c'était pas le reflet, quoi, de ce qu'il y avait sur le caleçon, quoi. Alors, attends, j'ai pas bien compris. T'as eu peur ou c'est l'inverse? Non, mais c'était un caleçon avec une trompe d'éléphant, mais genre, c'était imprimé sur le caleçon, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ah, un caleçon, d'accord. Et toi, tu t'es dit, putain, il doit avoir une belle trompe. Et quand t'as vu l'état du matos... Voilà. Et puis après, donc par la suite, j'ai su qu'il en avait d'autres. Donc il en avait des Snoopy, des à petits carreaux. Enfin, la totale, quoi. Donc là, t'as pas envie. Non, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Arrête. C'est merci, au revoir, on se revoit pas, quoi. Mais il a pas le caleçon quand vous faites ça, donc. Ou il garde son caleçon pendant. Mais même quand un beau mec qui se déshabille et puis qui a un caleçon Snoopy, quoi. Et alors, c'est pas grave pour une fois, tu lui dis la prochaine fois tu le remets pas. Non, moi c'est pas passé, quoi. Non, j'ai pas réussi, ça m'a. Un petit boxeur Dragon Ball Z, c'est possible ou pas? Non plus. Et si ton chéri de maintenant, finalement un jour il se mettait à porter une fois un caleçon Snoopy? Mon chéri de maintenant, il dort tout nu, donc c'est le kiff total. Ah, tu vois? Et comment tu dis Snoopy? Snoopy. Finalement, c'est pas une question de caleçon. C'est vendéen, la façon de le dire. Hein. C'est ça, Doc. Amy, je peux comprendre. Franchement, je te trouve un petit peu dur. Je sais pas ce que vous avez, les filles, ce soir, mais vous êtes dur. Non, mais tu vois, elle dit que si c'était son mec d'aujourd'hui qui portait ça, là, c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Donc, ça dépend du mec. C'est ça. Voilà, c'est ça. Après, tu pardonnes parce que tu le connais bien, lui, parce qu'il a jamais porté ça. Non, mais aussi, après, il y a les caleçons aussi, je précise, il y a vraiment les caleçons moulants qui moulent bien et tout, où on voit bien la forme et où c'est sexy. Ouais. Mais là, c'était limite short de bain, quoi, sous son pantalon. Oui, bah oui, oui, ah, bah, bah oui, on a tous eu ça, jour ou l'autre. Ça casse l'ambiance, quoi, au jour d'aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Non, mais je trouve que c'est grandir que de passer du caleçon au boxeur. Tu sais, il y a un moment donné, tu grandis. Moi, je sais que j'ai fait la transition parce qu'on m'avait fait la réflexion. On m'avait dit, tu peux pas porter ça comme tout le temps. Et là, tu te mets aux boxeurs, qui sont un petit peu plus près du corps et tout. Qui porte des caleçons dans l'équipe? Doc, tu portes quoi, toi? Slip. Doc, il porte des slips à l'ancienne. Ah ouais, mais pas kangourou. Hein. Non, non, mais des slips, ok. Doc, le slibard, ça fait plaisir. Kassim, tu portes quoi? Boxer, moi. Boxer, ouais. Ok, Coco. Le slip. Oui. Non. Le slip revient à la mode. Ah oui, mais complètement. Ah, mais c'est super sexy, on est d'accord. Mais Loge, tu portes quoi, toi? Tu portes des strings. Des strings. Vive les strings, c'est trop bien les strings. Ah, j'adore. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà. Ah, mais c'est vrai que les mecs peuvent porter des strings. Si ton mec s'était mis à porter un string, comment t'aurais réagi? Ben, je sais pas si je dois le dire, mais je vais quand même le dire. En plus, je sais qu'il m'écoute, donc les boules pour lui, quoi. Il en a, mais je l'ai jamais vu avec. D'accord. Bon, voilà. Bah, t'as rien dit, là. Ben non, j'ai rien dit, mais enfin, juste comme il m'écoute. Après, là, il y a Noël qui arrive, il y a le Nouvel An, petite soirée, on s'ambiance et tout. Je demande que ça. Il a été stripteaseur avant, c'est ce qu'il m'a dit. Il a fait des shows et tout. Donc je demande que ça, moi. Bon, eh ben, il faut lui demander qu'il l'emporte. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Eh ben, Amy, tu restes avec nous. Il y a Amandine aussi qui est pas contente. Elle a déjà connu le tue-l'amour. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, Doc. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Kassim. Bonsoir, bonsoir, Amandine. Qu'est-ce que t'es polie, toi? Oui, je toi, sais. Tu dis toujours merci à la boulangère, je suis sûr. Oui. Bravo, bravo, Amandine. Alors, dis-nous tout, un tue-l'amour. Alors, moi, je suis restée quasiment 8 mois avec un gars qui prenait soin de lui. Bon, ouais. Il prend soin de lui, d'accord, ça fait toujours plaisir, c'est toujours beau de regarder un mec qui prend soin de lui. Ça veut dire quoi, prendre soin de lui? Eh ben là, il prenait ma bébé crème, limite, il prenait mon mascara. Non mais rigole pas, attends, il y a pire. Mascara, c'est pas moi qui rigole. Il prenait mon mascara pour faire ses cils. Ouais. Le pire, c'est qu'il prenait mon lisseur pour se lisser les cheveux parce qu'il avait les cheveux mi-longs. Ouais. Mais quand on faisait l'amour, j'avais pas le droit d'y toucher les cheveux. Ah oui, non mais ça c'est les fragiles. Non mais c'est fragile, je déteste rien ça du tout, moi j'adore. Après. C'est mes doigts dans les cheveux. Non mais toi tu pouvais même pas lui toucher les cheveux parce que sinon t'allais lui faire une coupe de merde, donc c'était un fragile. C'est un fragile, mais on en a connu des fragiles ici, il y avait même la team fragile, on pense à Guillaume du stand l'année dernière qui était avec nous, il était pareil. Il fallait qu'il passe 2 heures dans la salle de bain le matin, quand moi j'en passe 15 minutes. Mais on voit aussi les résultats après. Il y a quand même une certaine limite à pas dépasser, quoi. Oh bah, pas dépassé, peut-être pas, mais enfin, le mascara, oui, ça commence quand même à être un peu costaud déjà. J'hallucinais, quoi, franchement. D'accord, il mettait du rouge à lèvres aussi, il faisait des soirées après. Non, quand même. Vas-y. Ouais, non, mais c'est vrai, le mascara, il y a des mecs qui mettent du mascara et tout. Oui, là, c'est ce qu'elle dit. Kassim, toi, tu mets du mascara, toi? Non, j'ai pas mis du mascara. Moi, je mettais du crayon noir sous les yeux, mais c'était à l'époque où j'étais un métalleux et j'écoutais du Rammstein. Non, il écoutait du Kyo. C'est pas pareil. Hein? si, il était. Je dis la vérité ou pas? Il écoutait du Kyo. Bah oui. Hein? On a parcouru le chemin. On a sous. Pardon, c'est pas vraiment Rammstein quand même. C'est clair. Amandine, reste avec nous, il y a Émilie aussi qui est là. Bonsoir Émilie. Salut Émilie. T'as été fan de Kyo dans ta vie ou pas, toi? Ah ouais, franchement, ouais. Alors c'est un son MP3. Hein, t'sais, on a plus le disque, on a que le MP3. Écoute, ne règle pas ton autoradio. C'est bien le son de Kassim. C'est de la merde, enlève ça. Non mais c'était bien en souvenir. Émilie, un moment de solitude, un tue-l'amour? Alors moi, mon ex, il était fétichiste des pieds. Ouais. Des siens? Et alors? Non, des miens. Et alors? C'est... Putain, c'est horrible ça. C'est genre... Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. Genre, pendant qu'on faisait l'amour, il voulait genre lécher mes pieds. Ouais. Mais c'est horrible. Ah, je suis d'accord. Pourquoi? Et Doc, il est pas d'accord. Mais Doc, il aime bien qu'on lui lèche les boules, les pieds, pardon. Excuse-moi, Doc. Je me suis un peu emballé. Et l'inverse aussi. Enfin, voilà. C'est une zone érogène, les pieds. Hein, les orteils. Donc, Peut-être, mais enfin bon, quand même. Mais oui. Je sais pas, enfin non. Justement, Émilie, moi. Surtout s'ils sont propres. J'ai entendu un truc, Doc. Dis-nous si c'est la vérité ou pas, mais il paraît que, tu sais, j'avais vu des cartes comme ça, je sais plus où, un truc de massage et tout. Comme quoi, la plante des pieds, chaque point correspond à un endroit du corps. C'est les méridiens. Alors, c'est de la médecine chinoise avec tous les méridiens d'acupuncture. mais oui, ça dit ça. Oui, oui, effectivement. C'est toutes les zones du corps finissent à la plante des pieds. Donc, d'accord, elle est toute découpée et cet endroit correspond à tel organe, tel organe, tel organe. Ça, c'est la médecine chinoise. Donc on peut avoir mal au cul juste parce qu'on marche sur une bosse, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Écoute, Émilie, on en apprend en tout cas grâce à ton fétichisme des pieds. Et alors, est-ce qu'il avait tendance... Ah non, c'est pas le mien. en tout cas, t'as été avec lui, Émilie. Oui, malheureusement. Et est-ce que, par exemple, pendant qu'il te prenait, il prenait ton pied et le mettait dans sa bouche? Oui. Ah oh, putain, ouais, c'est ouf. Kiff. T'as, y en a qui... Ah non, mais c'est horrible. Non, toi, Doc, t'aimes bien Ah oui, je trouve ça très bien, mais après, voilà. Ok. Ça dépend des partenaires. Non, non, mais voilà, on en sait un petit peu plus. on va regarder tes pieds différemment, Doc. Hein? Non, est-ce qu'il a déjà voulu te pénétrer, Émilie, avec son pied? il a déjà proposé le truc. Je crois que j'ai dû partir en courant ce jour-là. D'accord, parce que c'est vrai que un fétichiste des pieds, quand il commence à aller jusque-là, c'est chaud quand même. Ouais. Mais pourquoi t'aimes pas ça? C'est quoi le problème avec tes pieds? Alors moi, j'ai pas un problème avec mes pieds personnellement, c'est que c'est les pieds en général, je n'aime pas les pieds. Bah oui, bah enfin bon, on les a, c'est utile, ça sert. Oui, non, je suis d'accord. On peut en faire autre chose que juste marcher dessus, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, mais après, il y en a qui sont vraiment phobiques du truc. Je sais qu'Alice, qui est pas là, qui doit être dans le train en train de revenir, elle est un peu comme toi, Émilie, elle ne supporte pas voir des pieds, toucher des pieds, encore pire qu'on touche ses pieds. D'accord. Mais c'est parce que ça fait des chatouilles. Exactement pareil. Non, c'est pas la question des chatouilles. Non, c'est pas du tout la question des chatouilles. Je sais pas, moi, ça me répugne un peu, en fait. Bon, même si t'as les pieds propres. Ah oui, non, mais j'ai tout le temps les pieds propres, hein, je tiens à préciser. Non, mais Doc, elle ne se lavera pas les pieds pour toi. Hein, alors, on va accueillir Quentin. Quentin aussi qui est là, toujours avec Amandine et Amy. Vous êtes toujours là, les amis? Oui, toujours. Est-ce tout le monde est là? Quentin, raconte-nous, toi, un tue l'amour. Alors, ça, je te dis. Moi, c'était avec mon ex. Et en fait, soit elle avait une manie... Attends, Quentin. Oui. Alors, on t'entend pas bien. Là, c'est beau? Non, ça change rien, dis donc. C'est bon, là, ou quoi? Non. Bah mince. Alors, essaye de bien parler dans le téléphone, d'accord? Ouais. Allez, c'est mieux, là, vas-y. Alors, moi, c'était avec mon ex. Non, là, t'as repris ta position juste avant. Hein? Tu me la fais pas, hein? Attention. J'ai pas bougé. Quentin, tu te moques pas de nous, d'accord? Nous sommes des professionnels. Mais t'es en haut-parleur, là. Non, je suis collé à mon oreille. Collé à ton oreille, qui ne capte pas. Allez, on réessaye une dernière fois. Vas-y, Quentin. Non, c'est bon? Non, c'est pire. Non? Ouais, c'est pire. Bon, on va pas passer 10 ans là-dessus, quoi. Oui, t'inquiète pas. Hein, parce qu'en fait, on est en direct, là. Il y a des gens qui écoutent, oui, Quentin. Sais, mon doute. D'accord, donc j'espère que c'était intéressant ce que t'allais dire, vas-y. Oui, alors en fait c'est mon mec. Allez, salut Quentin, gros bisous, on te fait des gros bisous. Quentin, on va essayer de le revoir tout à l'heure parce que là on le capte pas bien, hein. Il passera tout à l'heure si on le capte mieux. En tout cas, je voudrais remercier Émilie, Amandine et Amy d'avoir été avec nous. On va vous envoyer le pack Love in Fun qui fait plaisir. Et Doc, merci. En conclusion, et si on est face à un tue-l'amour, comment est-ce qu'on peut affronter son tue-l'amour? Comment est-ce qu'on peut passer outre? Bah, il faut en parler. Je crois que c'est la seule solution, c'est d'en parler et de communiquer avec sa moitié et de dire je suis désolé, moi je supporte absolument pas ça m'horripile, ça va détruire l'image que j'ai de toi, donc essaye de t'améliorer, je veux bien essayer de faire un effort, mais voilà, faut trouver. Parce que souvent on dit pas les choses. Kassim, t'as déjà eu toi un tue-l'amour? Ouais, moi le tue-l'amour, c'est qu'une fois je suis tombé sur une meuf, je la prenais en levrette et en fait elle avait des poils dans le huc, et ça m'a dégoûté tout de suite. J'ai dit vas-y, bah écoute, salut, je m'en vais. Alors j'ai une année... Alors que toi t'en as? Oui, mais alors oui, mais d'accord. Oui. Voilà, mais je ne regarde pas mon cul, quoi. Non, mais j'ai également une anecdote, puisque ça m'a fait penser à un truc, et à chaque fois j'avais cette petite pensée. Alors vous allez dire que je suis fou, mais j'étais avec une fille et je l'ai prise en levrette et elle avait au-dessus de l'anus, une espèce de petite excroissance, mm-hmm. comme si elle avait une queue de cochon. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Mmh. Et Doc, tu me crois? Oh bah oui. Ça existe. Oui. Bien sûr. Alors je sais pas d'où vient cette excroissance. Et j'avoue que je voilà. Ça l'a pas fait. Ça m'excitait pas de ouf. Alors, ce n'était pas un cochon. Putain. Non, j'ai pas encore fait l'amour à détruire, Kassim. Sans déconner quoi. Non, mais ça peut être le coccyx. Ouais, c'est mais ça devait être ça. Certainement que elle avait une vertèbre surnuméraire. Petite vertèbre du coccyx. Ah bah voilà. Ah bah c'était sa vertèbre surnuméraire. J'étais pas au courant, moi. Personne m'avait dit. On va accueillir Pauline. Pauline, 20 ans de Lille. Bonsoir, Pauline. Salut tout le monde. Alors, Pauline, on prend des nouvelles de toi ce soir. On t'avait eu dans l'émission où nous étions à Rennes, si je me souviens bien. Et Pauline, c'est pas toi qui nous avais appelé à la base. C'était ton copain. Ouais, enfin mon ex maintenant. Ton ex maintenant. Qui m'a quitté en direct. Qui t'a quitté en direct. Et j'avoue qu'on n'était pas chaud sur le dossier, mais on l'a fait. C'était un goujat. Et c'était alors d'ailleurs, comme dirait Doc. Merci de l'avoir bien pourri, ça m'a fait tellement plaisir. Ben voilà, il s'appelait Valentin et c'est vrai que bah très rapidement on n'était pas du côté de Valentin, on était de ton côté parce qu'on l'a trouvé effectivement comme dirait Doc comme un véritable goujat. Hein, et moi je dis des connards hein, mais Doc c'est mieux le goujat. Et Pauline, on voulait t'avoir au téléphone, t'as accepté de nous donner des nouvelles, donc on réécoutera dans un instant ce qui s'était passé à l'antenne quand il t'avait appelé pour te quitter. Et là, juste avant, on va s'écouter Chris Cross Amsterdam. Tu nous racontes tout dans 3 minutes, Pauline ? Ça marche. Alors à tout de suite, vous restez bien avec nous, c'est Love in Fun. Amsterdam sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. La vie n'a pas. 22h minuit. sur Fun Radio. Une émission filmée tous les soirs. Nous sommes en streaming sur le site de Fun Radio, funradio.fr, ou alors depuis l'application Fun Radio à télécharger sur tous les mobiles. Une émission filmée et une nouvelle battle ce soir, les amis. Nouvelle battle. Alors attention, parce que vous le savez, tous les soirs de la semaine, on fait des jeux différents. Ce soir, on va jouer au Épelle-moi le mot pour gagner. Voilà. On a trouvé un jeu à rallonge, hein, mais c'est épelle le mot pour gagner. Voilà. Épelle le mot pour gagner, on vous donnera un mot, il faudra l'épeler, et celui qui sera le plus rapide. En fait, c'est celui qui réussira à l'épeler, après moult erreurs, qui gagnera son point, et voilà, à la fin, il y en a un qui gagnera un mini drone. Ça, ça fait plaisir. 01 42 48 5000. N'hésitez pas à nous appeler. On embrasse tous ceux qui nous écoutent en ce moment en podcast. Il y en a de plus en plus qui écoutent cette émission en podcast. Salut à tout le monde. Et là, maintenant, on va prendre des nouvelles de Pauline. Pauline, 20 ans, de Lille, qui est avec nous. Bonsoir, Pauline. Salut ma Pauline. Alors, lundi, la semaine dernière, on t'a eu au téléphone, mais c'est pas toi qui nous avait appelé, c'était ton mec qui nous a appelé pour nous dire voilà, moi je vous appelle parce que avec ma copine ça va plus et j'ai envie de l'appeler pour rompre. Oui, il disait qu'il sentait que ça allait pas aller plus loin pour lui, mais il voulait des conseils qu'on lui a donné, et puis elle a fait tout l'inverse de ce qu'on lui a dit. Exactement. Donc on s'est totalement désolidarisé de ton copain, hein, et on est complètement allé de ton côté à toi, Pauline, parce que on a bien vu que il était vraiment pas cool avec toi. Et d'ailleurs, t'as accepté ce soir de nous donner des news, alors que Valentin, voilà, il a pas voulu revenir. Hein, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut comprendre. Mais bon, c'est nous, c'est pas parce que Valentin, il arrive comme ça et qu'il nous écoute tous les soirs, qu'on va pas lui dire ses quatre vérités aussi, quoi. C'est aussi ça qui fait, j'ai envie de dire, le succès de cette émission, quoi. C'est que nous, on dit la vérité. On n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil si vous dites des conneries. En tout cas, ce que nous, on considère comme étant des conneries. Hein, qui a raison, qui a tort? Ça, on sait pas. Hein. Mais en tout cas, nous, on est réglo avec ce qu'on pense. Donc Pauline, tu vas nous raconter ce qui s'était passé et vous allez comprendre pourquoi on a vite été énervé avec Valentin en réécoutant cet extrait. Sois cool. Ouais, sois cool. Hein. Sinon, ça va chier. Hein. Allô? Allô, Pauline? Oui. Ouais, c'est moi, Jordan. Ah. Dis, j'ai un gros problème. Ouais. Je t'aime plus, j'ai plus envie de coucher avec toi. J'ai marre des prises d'engueulade avec toi. Ce qui se passe, en gros, c'est que tu m'avais demandé de t'acheter un truc, ça coûte 200 balles en plus. Donc, ça m'a fait ouvrir les yeux. Je t'aime plus. Même si ça fait que 3 mois, quoi. Mais voilà, quoi. Bon, après, t'es belle avec ton linge, avec tes petits strings, tout ça. C'est vrai que c'est mignon. Mais, voilà, j'ai... C'est pas que je m'en bats les couilles. Non, c'est pas que je m'en bats les couilles de toi. Non, mais si, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Mais non. On a couché ensemble ce week-end, mec. T'es sérieux, là, ou quoi? Bah, genre, oui, tu m'as apporté le petit déjoli et tout. Tu m'as vendu du rêve et tout. Et là, tu me dis que tu veux pas dépenser 200 balles pour un cadeau? Je t'ai vendu du rêve, bah. Non, mais attends, mec, tu crois que j'ai dépensé combien pour ton cadeau de Noël aussi, là, ton putain de survêt Lacoste, là? Tu crois que j'ai dépensé combien? Oh. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ferme ta gueule. Ouais. Mais non, Bah si, t'as rien à dire. Franchement, c'est quoi cet argument de merde là? C'est pas ça. C'est le problème, c'est que j'ai pas de sentiment. Voilà. T'as pas de sentiment, alors pourquoi tu me l'as pas dit avant, mec? Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Bah, t'étais prêt à venir dans ma famille, c'était Noël, quoi. Bah, y'a un petit peu ça aussi, je suis pas prêt. Bah, tu pouvais pas me le dire, j'aurais pu comprendre. Bah ouais, bah je suis désolé, mais j'avais envie de coucher avec toi aussi, c'est tout. Ouais, bah ça fait non, donc en fait t'es en train de me dire que je t'ai mis avec moi juste parce que t'avais envie de tuer, quoi. Bon, et Valentin, sans déconner, attends, c'est qui là? Tu ne te respectes pas. Valentin, ta gueule. Ferme ta gueule. C'est qui là? Stress, la merde, putain. Valentin, non mais sans déconner, qu'on puisse parler avec Pauline. Déjà, on va lui expliquer où est-ce qu'elle oui, est. Elle est sur Fun Radio. Pauline, t'es en direct dans Love in Fun. On fait une émission spéciale ce soir pour le Christmas Tour. On est au bar Meltdown à Rennes. Il y a du monde. Putain. Il y a du monde. Et Valentin, en fait, nous a appelé. Je vais tout expliquer. On était en train de parler d'un sujet qui sont les ruptures. Voilà, les ruptures qui sont nombreuses, justement, à la période des fêtes de fin d'année. Et Valentin est en train d'écouter. Et Valentin nous a appelé pour nous expliquer que, voilà, et avec toi, il s'entendait bien, mais qu'il avait pas de sentiments. Et après, il a dit aussi pas mal de conneries. J'ai même eu le sentiment, à un moment donné, quand tu as parlé de son survêtement Lacoste, qu'il allait se rétracter. Hein, pour juste avoir son cadeau. Mais là, Valentin, franchement, tu respectes pas du tout Pauline. Et on peut comprendre ta déception, Pauline. Hein, mais voilà. Je pense que. Donc en fait, t'es en train de me dire que là, il a. Non seulement il m'a quitté pour de la merde, mais en plus, il m'a affiché sur toute la France, là. Non, c'est, non, c'est lui qui s'affiche. C'est surtout affiché lui. C'est lui qui s'affiche grave. À franchement pas être correct. Non, mais franchement, mais enfin, je sais pas, mais porte tes couilles autrement, quoi. Je sais pas, fais quelque chose. C'est ça. T'aurais voulu un SMS, salut, je te quitte. À plus, merci de m'avoir sucé. Oh, mais t'es vraiment insolent, Valentin, sérieusement. Bouge. Ouais, sans déconner. C'est un goujat. C'est un goujat. Va la retrouver. Parce que franchement, là, franchement, ça sert à rien que tu me parles. Tu sais quoi, dès demain, t'auras tes affaires devant ta porte et tu vas bien aller te faire foutre avec. Mais Pauline. Tu mets la coste, l'ensemble de la coste avec. Ah non, mais là, tu peux rêver, mon gars. C'est grave. Ah non, elle va le revendre. Mais ouais. Pauline, est-ce que tu t'y attendais un petit peu à cette situation où pour toi tout se passait super bien, vous étiez genre dans une relation au top quoi? Mais ça se passait super bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était encore ensemble ce week-end, il m'a apporté le petit déjoli, on a couché ensemble. Non mais ça on peut s'en rendre compte petit à petit et puis finalement un jour voilà c'est vraiment une évidence donc ça veut rien dire malheureusement en revanche c'est les non, termes bah, comme quoi fait... c'est un connard jusqu'au bout qu'est-ce que oui. Bah tu vois non, son vrai visage maintenant papillon qui a mis à butiner à droite à gauche. Pardon? C'est juste un petit papillon qui a mis à droite à gauche, c'est tout. Pour l'instant je suis pas prêt pour me poser. Voilà, ouais, mais ça c'est dit différemment. C'est bon. Bon, tu vas butiner ailleurs, Valentin. Je suis désolé parce que là. Alors, Valentin, franchement, je t'avais dit que c'était quelque chose qu'on n'aime pas trop faire et franchement, t'as dépassé les bornes un petit peu. On t'avait dit d'y aller en douceur en plus ouais. Et tu l'as pas fait du tout. Et ça, on n'aime pas. Pauline, on est sincèrement désolé. En tout cas, je pense que le message est passé. Voilà. Et puis après, c'est à toi de te faire aussi ton avis sur. Parce que ça en dit long sur le mec, hein, sur la façon dont il va te quitter, quoi. Aucune pincée. Ah bah, ça c'est clair, putain. C'est peut-être un mec super cool en dehors d'une relation, mais en tout cas Valentin là avec ta copine t'es pas classe, vraiment désolé Pauline, en tout cas il voulait t'annoncer ça ce soir. Ouais, bah comme quoi avoir du public ça donne un peu de courage. Voilà, c'est une machine. Et Pauline, on te fait des gros bisous, Pauline. Pense à toi pour la fin d'année. Ouais, carrément. Revends le survêt. Il y a peut-être moyen de se faire un petit peu de pognon sur le revend du survêt. Valentin, tu sais ce que tu ne le mérites pas de toute façon. Valentin? Oui. Ouais. Ça y est, t'es content? Ça y est, c'est fait. Bah ouais, je vais pouvoir aller voir autre. Ok, d'accord. Bon, allez, salut Valentin. Allez. Ciao Valentin. Quelle histoire. Voilà ce qui s'était passé. Donc c'était lundi dernier hein, quand on était à Rennes avec du public. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire de survêtement. Ouais. Hein, bon alors Pauline, en réécoutant, d'ailleurs on s'est fait la réflexion, c'est clair qu'on a tout de suite réagi et on l'a tellement trouvé pas cool du tout avec toi. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah déjà dans un premier temps j'ai revendu le survêtement hein. Ouais, évidemment. Bien évidemment. Mais du coup je me suis fait plaisir, je me suis pris des trucs pour moi à la place. D'accord, mais avec lui il y a plus aucune conversation depuis? Bah en fait on s'est pas recontacté, mais genre ce week-end en fait je suis sortie en boîte et bah comme c'est la seule boîte qu'il y a dans notre bête paumée, forcément il était là. D'accord. Et du coup, bah, j'ai mes potes qui étaient au courant de ce qui s'était passé et tout. Et j'ai un pote qui fait de la muscu, qui est quand même bien bâti et tout. Et du coup, il a fait genre de danser collé serré avec moi pour le faire chier, quoi. Ouais. Et bah, ça a bien marché parce que du coup, il a traîné ses potes jusqu'au bar pour pas qu'ils nous voient trop. Et enfin, il buvait coup sur coup, il était complètement bourré à la fin, il a essayé de venir me voir et tout, et du coup, bah, mon pote, là, qui est Barak, il l'a stoppé, il dit non, mais c'est bon, maintenant tu lâches l'affaire, mec, stop, quoi. Mmh. Et puis, bah, du coup, j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc bon, j'espère qu'il a compris, mais j'espère aussi que je l'ai bien rendu jaloux, parce que ça m'a fait du bien, en tout cas, de lui montrer que moi aussi, je l'avais oublié rapidement vu comment il m'a fait mal. Ce qui est faux, ce qui est faux. Pas, si tu cherches à le rendre jaloux, c'est que déjà t'as encore envie de contact et d'avoir une comment dire ça, un effet sur lui. Donc bon, ouais, ça va passer. C'était une vengeance quoi. Ouais, j'entends bien, surtout que c'était faux en plus. Tu sors pas avec ce mec, mais bon, faut surtout passer à autre chose. Il est insignifiant, et voilà, franchement. Ben c'est ça, il faut, mais c'est pas toujours facile, c'est non, sûr. Non, bien sûr, bon, on lui avait dit effectivement de juste dire « bon ben voilà, j'ai plus de sentiments, je sens que ça peut pas aller plus loin, c'est tout ». Et alors il est parti sur ces histoires de cadeaux, ça, ah ouais, non, mais n'importe ça quoi. Me casse les couilles de payer 200 euros. Ah ouais. C'est une bonne raison de se séparer, oui. Hein, Pauline, ouais, non, passons. C'est débile. Bon, eh ben écoute. Franchement, c'est une excuse bison, quoi. Écoute, Pauline, en tout cas, on est vraiment ravis que tu nous aies donné des nouvelles là ce soir. Et j'espère que tu vas passer de bonnes fêtes de fin d'année et que tu vas réussir là à passer à autre chose assez rapidement. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Et puis, bonne soirée et merci encore. Alors, t'écoutais pas l'émission, du coup, tu vas nous écouter maintenant? Ah bah oui. Ah merci. Même si c'est pas vrai, c'est gentil de le dire. Hein, non, si, bah si, quand je vais au boulot ou quoi, je le mettrai. Eh ben voilà, ça fait plaisir. Gros bisous, Pauline. Bisous. Salut. Salut, ma Pauline. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons jouer à la battle. Ah, un nouveau jeu, la battle, dans un instant. On aura aussi la question à la con, Florian, t'es là? Hola, familia, ¿cómo está? Ouais, muy bien, y tú? Muy bien. ¿A dónde está la pequeña? Ah, tu habla muy bien español. Ah, mi hablo mucho bene. Itas. Ouh là là. Ah non, oh là non. Là, c'est tombé. Hein. C'est ça. Ouais, on va tomber, hein. Tu nous appelles de Madrid, Florian. Ouais, c'est ça, de Madrid actuellement. Ouais, bah reste là-bas, cool. Restez avec toi. On revient avec Florian, sa question à la con. Et Keymotion, The Night We Met sur Fun Radio à découvrir dans un instant. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Welcome back to the Fun Radio Ibiza Experience. Les meilleurs DJs vous donnent rendez-vous le vendredi 19 avril 2019. Are you ready? Pour ne pas rater la plus grosse soirée dance electro à l'Accor Hotel Arena de Paris, réservez maintenant vos billets sur funradioibisaexperience.fr. Salut, c'est Bruno sur Fun Radio. Vous êtes prêts pour les fêtes de fin d'année? Les cadeaux, c'est fait, les teufs avec les potes sont calés et bien sûr, vous avez votre Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. Et à partir du 7 janvier, je paye les factures de Sam tous les matins à 8h10. Alors envoyez-moi vos factures d'essence, de taxi, vos billets de train ou même votre nuit d'hôtel à facture@funradio.fr. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. I'm brave in the night cause I can't sleep. Thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know. After the song, I keep missing you too much. I keep missing you too much. I keep missing you too much. I know you told me to be stable. Live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. Baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. I know you told me to be stable and live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to know the city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. Baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Lâchez-vous tous les soirs sur Fun Radio. S'il y a bien une émission, vous pouvez venir vous lâcher, venir un petit peu pousser des coups de gueule. C'est ici, hein, au 01 42 48 5000. Lâchez-vous tous les soirs sur Fun Radio. Osez tout dire ici dans cette émission. On n'a pas de tabou. Hein. Vous pouvez venir vous lâcher. Et parfois même les sujets les plus lourds, hein, les plus graves, les plus durs, où ici, voilà, vous aurez toujours quelqu'un, voilà, toute l'équipe pour vous écouter, pour essayer de vous rendre service, de vous aider, de vous conseiller. 01 42 48 5000. On va se faire la battle dans un instant, mais d'abord, c'est une question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Florian nous appelle d'Espagne. Oui, bah à chaque fois tu vas nous le faire. En hein français. Salut, la famille, comment ça va? Vous allez bien? Ça va bien, ouais. Ça va bien la famille. T'es à Madrid et tu parles pas espagnol? Ouais. Bah non, Karel il comprend pas, donc je parle en français. Bah, j'ai l'impression que je comprends autant que toi, quoi. Et quoi, c'est bon. Ça, ouais. Ah, je suis arrivé il y a 3 mois, donc j'apprends au fur et à mesure, tu vois. D'accord, est-ce que tu connais le principal? Una cerveza, por favor. Ah non, moi je bois pas, donc ouais, je parle pas comme ça. Ah d'accord, toi tu demandes quoi? Un sirop, por favor. Non, non, quand même, non, j'essaye de me débrouiller un peu pour sortir avec les filles, tout ça, toi j'essaye. Ah ben alors l'Espagne c'est fantastique. C'est-à-dire il sorti hyper tard le soir. Non mais moi j'adore. C'est mon rythme de vie. Non mais c'est vrai. Et du coup les Espagnols, les Français, ils ont les cotes ou pas là-bas? Ça dépend. Mais ça dépend de ta gueule, hein, généralement. Non mais c'est vrai. Quand t'es beau gosse ça marche, quand t'es dégueulasse ça laisse tomber. Bah c'est comme partout. Hein. Et alors Florian, t'avais une petite question à la con. Je vais te demander de parler bien fort dans le téléphone. Vas-y, tu m'entends comme ça, c'est bon? Ouais, allez, vas-y. En fait, là, c'est quand même j'ai fait un plan cul et tout à Madrid. Hein. Et j'étais avec une espagnole et tout. Et d'un coup, elle me dit, ouais, tu fais quoi, là? Et en fait, je suis en train de plan cul, en fait. Et en fait, je voudrais savoir une question au doc. Hein. Il y a combien de centimètres entre le cul et la chatte, en fait? Très bien. Alors, combien? Hein, parce que j'avais pas tout compris, mais tu veux savoir si tu as fait l'amour à ta copine ou si tu l'as sodomisée, c'est ça? C'est ça, en fait. J'ai dû me tromper de trou. Savoir combien de centimètres en fait pour la prochaine fois pour éviter. Alors il y a plusieurs centimètres. C'est assez variable et c'est propre à chaque femme. Enfin, normalement, au minimum, il y en a plus de 4. Ah, plus de 4 centimètres entre l'anus et le vagin. Tout à fait. Mais au-dessous de 4, c'est trop court. Effectivement, ça peut poser d'autres problèmes. Après, ça peut être 4, 5, 6, 7. Hein, ça, c'est variable. Voilà, et ça c'est une réponse précise, hein Florian? Mais normalement tu dois quand même un peu sentir la différence dans les sensations que ça fait. Non, on peint à minuit, 1h, on est un peu chaud là, donc j'ai pas dû regarder. Non mais t'es pas regardé, oui, mais t'aurais dû sur ton sexe, tu dois quand même sentir la différence entre un anus et un vagin quand même. Ah c'est vrai, j'ai pas. La première fois je ferai attention et je penserai à nous. Eh bien voilà, ça, c'est ça. Pense à nous. Peut-être que tu as fait une sodomia. Comment on dit là-bas, en espagnol là. Florian, tu reviens quand tu veux. Vas-y, à plus tard, et Karen, pour les 48 heures Lovin Fun, venir à Madrid un jour. Très bien. Ah bah, et nous, on aimerait bien. C'est Fun Radio qui voudra pas. Hein, parce que bon, ça fait quand même une grosse éloque là. Non, Kassim, ouais, qu'est-ce que t'en penses? On peut essayer de négocier. Non, parce que moi, je vais vous dire, on a déjà tenté la Réunion. Bah on attend toujours. Ah ouais. Mais c'est plus loin que Madrid. Mais c'est vrai que c'est plus loin que Madrid. Tu sais quoi? Pourquoi pas? Ouais. Hein, Fun Radio et le Sonido Dance Floor. Ah, oui. Salut mon Florian, ciao à toi. Salut. La Battle, Loving Fun, sur Fun Radio. La Battle tous les soirs sur Fun Radio et ce soir nous allons offrir un mini drone. Un mini drone pour peut-être Morgane, 26 ans de Brest. Salut. Bonsoir Morgane. Salut. Salut la Bretagne. Et Jérémy ce soir, 23 ans, Clermont-Ferrand. Bonsoir le Clermontois. Salut les amis. Salut. Je sens que vous êtes très concentrés tous les deux. Est-ce que vous êtes bon en orthographe? On va être bon. Ah, je suis pas mauvais. Pas mauvais, on va essayer. Ok, alors ce soir le but du jeu, il est très simple. On va jouer à épelle le mot pour gagner. Voilà, c'est un jeu qui porte bien son nom, puisque je vais vous donner des mots. Le plus rapide a crié son prénom, pourra donner sa première proposition. Et si le mot n'a pas bien été épelé, l'autre candidat pourra à nouveau essayer, etc., oui, etc., jusqu'à ce que le mot finisse par bien être épelé. J'ai été très clair ? Pas de souci. Ok, ça marche. Très bien, nous allons donc commencer par le premier mot. Morgane face à Jérémy ce soir. Dès que je vous donne le mot, il faut donner son prénom. Le premier mot est Kama Sutra. Morgane. Morgane. Ok, alors Kamasutra. Il faut valider le mot en disant Kamasutra. C'est important. Tu recommences, Morgane, s'il te plaît. Ok, Kamasutra, Kamasutra. Bonne réponse. Bravo, Morgane, c'est un premier point. Je vais peut-être compliquer les mots. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont bons, les deux, là. Morgane face à Jérémy ce soir. Attention, le deuxième mot, exobiophilie. Jérémy. Alors, E-X-O-B-I-O-P-H-O-L-I-E. Mauvaise réponse. Morgane, exobiophilie. Alors, attends, exobiophilie. Vite. E-X-O-B-I-P-H. C'est une mauvaise réponse. Jérémy. E-X-O-B-I-O-P-H-I-L-I-E. C'est une bonne réponse. Alors, j'applaudis Kassim qui met 300 ans pour valider la réponse, étant donné que cette personne ne sait pas lire. Hein. Alors, on continue. Morgane face à Jérémy, et c'est un partout. Hein. Comptez bien les points. Un partout. Ce soir, le troisième mot, hétérosexualité. Jérémy. Morgane. Jérémy. H-E-T-E. Non, mauvaise réponse. Hein. Concentre-toi. J'ai dit hétérosexualité. Morgane. Alors, H-E-T-E. Non, mauvaise réponse. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Respectez les accents. Merci beaucoup. Hétérosexualité. Alors, H-E accent aigu, T-E accent aigu, R-O-P-E. Mauvaise réponse. À toi, Morgane. Alors... H, E accent aigu, T, E accent aigu, R, O, S, E, U, X. Non, Jérémy. H, E accent aigu, T, E accent aigu, R, O, S, E, X, U, A, L, I, T, accent aigu, E accent aigu. Ah, presque. Morgane. Alors là, je la fais bien, d'accord ? Vas-y. Ok, alors, H, E accent aigu, T, E accent aigu, R, O, S, E, X, U, A, L, I, T, E accent aigu. Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo, bravo, ça fait plaisir. Alors, vous savez quoi, ce jeu, je pense qu'on va l'annuler. On continue. Morgane face à Jérémy. Clitoris. Morgane. Jérémy a été plus rapide, on t'écoute, Jérémy. C-L-I-T-O-R-I-S. Bravo, un mot beaucoup plus facile. Je connais bien clitoris. J'ai l'impression. Alors, ça fait 2-2. Ce sera donc le dernier mot pour vous départager. Anulingus. Morgane. Morgane. Ok. A-N-U-L-I-N-G-U-S. Anulingus. Bravo! Victoire! Victoire de Morgane. Yeah! Bravo, félicitations, Morgane. Franchement, alors quel jeu! Quel jeu! Hein. Non mais on. Attends, quel suspense! Hein, vraiment, alors, l'exobiophilie. Tu sais ce que c'est ça ou pas, Doc? L'exobiophilie? Non. Alors moi je sais parce que j'ai Wikipédia et c'est ce qu'on appelle un fantasme paranormal. L'exobiophilie rêve de coucher avec un extraterrestre. Voilà. Voilà. C'est alors il y avait aussi le mot Kama Sutra. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Hein, Doc, c'est quoi le Kama Sutra? Oh, c'est un guide hindou de toutes les positions sexuelles, bravo. Toutes les pratiques sexuelles. Bravo, Doc. L'exobiophilie, on l'a dit, l'hétérosexualité, orientation sexuelle caractérisée par des fantasmes, des désirs et des conduites majoritairement dirigées vers des personnes de l'autre sexe. Ça, c'est la définition. Hein. Et anulingus, Doc, c'est quoi un anulingus? Oh bah, quand on met sa langue sur l'anus. Voilà, quand on lèche des culs. Hein. On appelle ça aussi... Feuille de rose. Feuille de rose. Feuille de rose. Ah bah, Doc dit fleur. De rose. Ouais, non, bah c'est magnifique. Et voilà. Et c'est une victoire de Morgane. Félicitations, Morgane. On te fait des gros bisous. Merci. Tu repars avec ton mini drone. Jérémy, c'est bravo. Cool. Bravo quand même, hein, Jérémy. Eh ben, merci. Ah, mais vous avez aimé ce jeu ou pas? Ouais, c'était trop bien. C'était cool. Ok. Et eh ben voilà, on n'est pas venu pour rien. Ça fait plaisir. Salut, Morgane. Salut, Jérémy. Salut. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Et on va accueillir Roman, 24 ans de Dijon. Salut, Roman. Salut, Doc. Salut, Karen. Salut, Cassim. Salut. Salut Roman, t'appelles pourquoi ? Exactement, je suis une ancienne escorte et je ne sais pas comment l'annoncer à mon copain. D'accord, t'es ancienne escort girl et tu sais pas comment en parler à ton mec. On va t'aider, tu vas nous parler un petit peu de ton métier. Restez bien avec nous, voici Keymotion sur Fun Radio. We'll be right back. Eux, je les adore, ils ont un vrai talent. Les Keymotion sur Fun Radio, The Night We Met. 01 42 48 5000. Love Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Est-ce qu'on a une nouvelle d'Alice là? Non, toujours pas. Bon, alors Alice, à mon avis, ne viendra pas ce soir. Hein, et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, du côté de Metz, j'imagine que vous êtes au courant, il a neigé là-bas. Et Alice devait prendre son train, qu'elle a raté. Ça a été une galère sans nom. On en a entendu parler toute la journée. Fallait saler, dessaler. Bon, voilà. Et on souhaite bon courage d'ailleurs à tous ceux qui roulent là, en ce moment. Faites attention, les routes sont très glissantes. Voilà, il faut lever le pied. Un petit conseil qu'on vous donne. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Vous le savez tous les soirs dans cette émission. Et on va accueillir Romane. Elle a 24 ans. Elle nous appelle de la ville de Coco du Standard. Dijon. Dijon est avec nous. Calme-toi, Coco, s'il te plaît. Alors, en fait, si tu parles de Coco, il chante, le mec. Hein, j'ai remarqué ça. Hein, c'est vrai que... Ça va, Romane? Oui, ça va très bien. Alors, Romane, tu veux nous parler de ton ancien métier et de ta relation, c'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, je suis avec mon copain depuis 8 mois. Sauf que, donc là j'ai 24 ans maintenant, et en fait quand j'avais 19-20 ans, j'ai été escorte en plus de mes études, enfin pour financer mes études. Oui. Et je lui ai jamais dit. Et en fait le truc c'est que bah, là ça fait 8 mois, je sais pas comment lui dire. Enfin je sais pas si je dois lui dire, je sais pas comment lui dire. Et le truc c'est que bah, j'ai dû lui mentir un petit peu, parce qu'en rencontrant ses amis, bah, je me suis rendu compte qu'il y en avait un que je connaissais plutôt bien, quoi. Ah oui, ça a été un client. C'est ça. Et avec lui, tu as parlé avec cet ex-client? Non, j'ai fait genre je le reconnaissais pas, je faisais mon truc de mon côté, et quand il me dit qu'il est là en soirée, je dis ah bah tiens, c'est dommage, j'ai quelque chose de prévu ce soir-là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment important? Je pose la question, c'est une vraie question à poser, est-ce que c'est important que tu le dises maintenant? C'est ta vie passée, en plus ça remonte assez loin, quoi. 19-20 ans, t'en as 24, c'est ça, donc ouais, c'est loin. Ça, ouais. C'est vraiment loin. Ça a été un moment, c'est secret, bon. En fait, le truc, c'est que j'ai peur que son pote, un jour, fasse une connerie et en parle, quoi. Moi, c'est ça qui me fait peur. Je me dis que s'il doit l'apprendre, il vaut mieux qu'il l'apprenne par moi plutôt que par son pote, quoi. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, tu peux aussi parler avec son pote. Et dire, ok, bon, tu sais que tous les deux, on a fait des trucs. Bon, on oublie, hein, c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle jamais. Voilà, au moins, c'est clair. Il y a ça. Mais, bah, parce que du coup, je peux pas non plus être sûr que lui m'a réellement reconnu non plus, quoi. Bah oui. Parce que j'ai un peu changé physiquement depuis, donc. Ouais, t'es pas sûr. Bon, ça permettrait au moins d'être sûr. Ouais. Et puis ensuite de mettre carte sur table avec lui, en tout cas, pour dire voilà, je veux pas que ça se sache, je veux pas qu'on en parle. Maintenant, si toi tu sens l'envie d'en parler à ton mec, pour être franche, moi je me dis pourquoi pas, parce que c'est quand même loin dans ta vie. Ça serait il y a 9 mois, juste avant que tu le rencontres. Bon, ouais, ok, je peux comprendre que ce soit chaud. Mais là, c'est il y a 5 ans. Donc. Bah oui, franchement, le passé, traverser, éviter tous ces orages et le passé, envoler le passé, avancer pour trouver en moi tous les courages d'avancer. Voilà, Tal l'a dit dans sa chanson. Hein. Je crois que c'est clair, franchement. Romane, le passé, ça n'existe plus. Ouais, donc pour vous, il vaut mieux que je dise rien, parce que c'est pareil, si un jour on recroise... Mais pourquoi tu parlerais de quelque chose qui n'a plus lieu d'être? Oui, c'est... Tu vas me dire si je me trompe, Doc, mais moi j'étais un petit peu comme ça, et j'ai un peu avancé là-dessus, c'est-à-dire qu'avant... J'étais vachement dans le passé en train de me dire avant c'était comme ça, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça, et avant je faisais comme ça, et avant, mais avant c'était avant. Je veux dire, c'est ce qui fait partie de moi quelque part, mais ça n'existe plus. Je veux dire, c'est le présent qui compte. Et le futur avec ton mec, quoi. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que souvent on croit que quand on est en couple, il faut être totalement transparent. Il faut que l'autre sache tout. Non, c'est pas vrai. On a son jardin secret, on a une partie de sa vie. Je veux dire, tu lui as peut-être pas raconté quand t'avais entre 6 et 7 ans et qu'est-ce que tu faisais. Bon, bah non, c'est toi. Mais si un jour en fait, ça vient... En fait, ce que j'ai peur, c'est que s'il l'apprend un jour par quelqu'un d'autre, parce que c'est pareil, il suffit qu'il rencontre un autre pote... Et alors une nouvelle connaissance bah oui, mais ta nana, elle a fait ça, je me souviens d'elle et tout. Et bah tu sais quoi, t'en parleras à Jola en disant... Ah ouais ouais bah ouais non mais c'est un détail, je m'en fous, c'est passé ça, tout ça c'est loin, c'est fini quoi. Faut que ça soit le plus simple et le plus naturel ouais. possible au moment où t'en parles. C'est une partie de ta vie, tu peux pas, tu la nies pas. Mais en fait, moi quand j'essaie de me mettre à sa place, je me dis que si j'apprenais qu'il a fait un truc comme ça, je me sentirais un peu trahi quoi. Je me bah, il a pas fait confiance pour me le dire avant. Mais il te connaissait pas à l'époque. Il m'a caché ça quoi. Il te connaissait pas. Mais ouais, c'est ça. D'abord, il te connaissait pas. Et puis même lui, il a peut-être eu. D'ailleurs, tu n'en sais rien. Il a peut-être eu une vie pendant 6 mois. Il a peut-être fait des trucs que tu sais pas. Oui, alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce qu'il était funambule ? Ouais, c'est ça. Marcher sur des fils, ou comme ça. Ou espion pour le KGB, enfin, tu vois. Bon, et tu ne le sauras jamais s'il a été espion. Donc, bon, c'est du passé. Il n'y a pas à être transparent à 100%. Donc, et même, ça va avoir l'importance que tu veux bien y donner. Tu vois, tu dis, si jamais il l'apprend par quelqu'un d'autre, ça va être une catastrophe. Mais ça sera une catastrophe si toi, t'en fais une catastrophe au moment où il te le dit. Si il l'apprend par quelqu'un d'autre et qu'il te dit, dis donc, tiens, au fait, on m'a dit que, ben, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu sais, ça m'est complètement sorti de l'esprit parce que pour moi, ça compte plus du tout. C'est un bout d'histoire, voilà. Il faut assumer le truc. Ouais, complètement. Ça fait partie de toi, c'est vrai, mais c'est plus là. Revenons justement sur cette période de ta vie qui fait partie de ton passé. Moi, j'avais 2-3 petites questions, Roman, concernant le métier d'escort girl, parce que j'ambitionne de devenir escort girl dans quelques mois. Je suis sûr que tu feras un magnifique escort girl. Mais voilà. Merci beaucoup. Ben, je mets tous mes petits avantages. Tu dois être tellement magnifique. Ah mais merci, Roman. Je vois que tu me connais, un visage découvert. Et alors, Roman, ça voulait dire quoi escort girl? Parce que escort girl, pour moi, c'est différent de prostituée, entre guillemets. C'est-à-dire que quand t'es escort girl, tu ne couches pas avec la personne. Ben moi, j'ai fait de l'escorting accompagné en soirée, dans des soirées très huppées, ou des fois accompagné des hommes en club libertin, mais le contrat de base, c'était je fais rien avec lui, enfin, que si j'en ai envie, quoi. Et ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des relations sexuelles tarifées, mais c'était plus de l'escorting, quoi. Mais t'as quand même fait un petit peu de prostitution, excuse-moi de te le dire. Je sais que oui, parfois c'est arrivé un petit peu des sommes très confortables, on va dire. Ah non, mais c'est-à-dire, avec quelqu'un qui te payait pour être escorté, il te rémunérait combien la soirée? Bah, ça dépendait le nombre d'heures, de ce qu'il attendait de moi et de la tenue que je devais mettre. Et tu pouvais, par exemple, taper combien dans une soirée Bah, le maximum que j'ai fait, c'est 1 200 €. 1 200 € pour une soirée. Ouais. Ah oui. Pour une soirée, un petit peu plus, quoi. Ah oui. Ah ben, bah, mais là, j'ai comme une dingue. Hein. Une comment on peut gagner autant d'argent? T'as une paquet... grosse soirée, quoi. Avec un rapport sexuel au bout. Avec, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais sinon, en moyenne, c'était, enfin, vraiment, ça dépendait, c'est compliqué. C'était, ouais, on va dire entre 500 et 1 000 €, quoi, suivant les soirées, quoi. Ouais, alors, ça peut paraître être de l'argent facile. En attendant, ça veut dire donner son corps contre de l'argent avec voilà des personnes qui sont prêtes à vous payer et qui sont peut-être pas forcément dans vos goûts. Ouais, parfois même des personnes qui sont plutôt âgées. Enfin, on peut tout imaginer quoi. J'ai joué un rôle, tu vois, toute la soirée c'était pas moi quoi. Ouais non mais j'étais la jolie poupée à côté du monsieur. Bon voilà quoi. Après et, tu rentres dans ton personnage. Je peux comprendre, mais ça reste toi. Enfin je veux dire, c'est quand même chaud quoi. Après, faut y arriver. C'est de la prestance aussi. En général, il faut aussi avoir un peu de conversation. Et oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et si on se fait passer pour la petite après, copine. Oui. La conversation, oui et non, parce que j'étais vraiment là pour en gros faire joli au bras de monsieur. Quoi. Ah d'accord. Ouais. Okay. Mais c'était surtout ça. On me demandait pas forcément d'avoir la conversation, mais surtout d'être jolie, d'être mignonne. D'accord. De sourire. Oui, donc c'est vraiment encore moins grave que parce que moi je pensais que tu avais plus fait de rapports sexuels tarifés et par conséquent. Non, c'est arrivé. Franchement, je ne sais pas trop. C'est peut-être arrivé 5-6 fois, grand max, quoi. 5 fois, je crois, en un an, un truc comme ça. Ouais, ouais, non, mais. Peut-être zapper, hein, c'est pas. Ah, c'est quelque chose qu'on vous recommande pas du tout, hein, clairement. On a déjà eu un roman des témoignages d'anciennes escort girls qui avaient du mal, justement, à se sortir de cette période de leur vie et qui le vivaient avec un petit peu de recul assez mal. Tant mieux si toi tu le vis bien, Roman, hein, mais voilà, c'est pas quelque chose d'anodin et on peut penser que c'est de l'argent facile, mais il y a quand même pas mal de trucs qui se passent dans la tête, hein, quand on fait ce genre de choses, quoi. Oui, bah, faut être assez solide, quoi. Ah bah plus que solide. Ouais, mais moi je pense qu'en reparler, ça réactiverait tout ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable. Mais voilà, vois au fond de toi, laisse passer un peu de temps après tout ce qu'on a dit, et puis tu verras si vraiment il faut que t'en parles et que tu sois transparente à 100% avec ton nouveau mec. Mais ça peut encore attendre un peu, je pense. Gros bisous, Roman. Ouais. Ouais, bisous l'équipe, à plus salut. Tard. Salut, salut Roman, dans un instant sur Fun Radio, on se fera le zap de Coco, le replay du zap de Coco. Mais pourquoi on le remet, Kassim? Parce que c'était bien? Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Tu veux savoir la vérité? Je vais un peu remonter quand même pour que ce soit meilleur à l'antenne. Alors, vous allez entendre une version exclusive du zap de Coco. Ah ouais. C'est comme un morceau qu'on n'aime pas trop, mais on le remixe et là, il prend un nouveau sens. Hein, donc, vous allez entendre Coco comme vous ne l'avez jamais entendu, sans bafouille. On a mis du slow motion sur sa voix. Ouais. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il va dire. J'ai embelli sa voix. Ah, magnifique. On a rajouté un petit peu de basse. Ah, ouais. Ah, ça va être tip top. Oh. Restez avec nous sur Fun Radio. On sera aussi avec Jonathan, 26 ans de Marseille. T'es là, Jonathan? Oui, je suis là. Ça va ou quoi? Mais Jonathan, j'ai l'impression que vous nous le passez tous les soirs, Jonathan. Et on n'a jamais le temps de le passer à l'antenne. C'est ça, on aura le temps. Hein, Jonathan, t'es déjà passé un soir, toi? Oui, j'étais passé. Et après, vous n'avez pas eu le temps de me prendre. Et voilà. Ah, bah oui, bah, et là, ce soir, on va bien te prendre. D'accord? Ça va, il n'y a pas de souci. Et quand tu croises une fille dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, après, je l'imagine à poil. Ah. On en parle dans un instant. On va s'occuper de toi. Restez bien avec nous. J Balvin, Bébé Rexha et David Guetta. C'est ce qui arrive là tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. En direct de Rouen, les amis. Rouen, un incroyable talent. C'est vrai que nous accueillons Sarah. Et c'est quoi, Sarah, ton talent? J'ai des chansons que je chante aux enfants quand ils sont sur le pot et ça les aide à aller sur le pot et à faire caca. Ah ouais? Moi, je veux pas faire popo et dans le pot. Non, non, non, je veux pas faire popo ça, dans ma couche. Faut que j'aille aux toilettes, ça va. Tu chantes ça à un enfant, vraiment, ça finit par arriver. Oui, j'ai fait à ma petite sœur et ça a marché. Et tu le fais plusieurs fois? Non, maintenant, elle écoute du Joule. Réécoutez Bruno dans la radio en podcast sur funradio.fr. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. 22h à minuit. 0 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun. Sur Fun Radio. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you run? I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name.

Eh ben en fait, j'aurais voulu savoir si, si j'étais pervers ou truc comme ça en fait. Non. Pas du tout. Ça se saurait. Ah ben non. Pas du tout enfin. Mais tu les imagines juste toutes nues ou tu les imagines toutes nues en train de se mettre des doigts? Non, en fait, je les imagine nues et en sous-vêtements. Ah voilà. Et est-ce que ça te pousse à faire des choses vers elles? Est-ce que tu vas leur parler? Ben en fait, après, je vais leur parler, je demande leur numéro, donc je parle avec elles. Ouais. Et après, c'est où je leur demande des photos, ou des fois, il m'arrive de faire des choses avec. Attends. C'est-à-dire que toi, tu croises des filles dans la rue, Jonathan, tu les imagines à poil, et là, tu te dis, ah putain, elle serait bien toute nue, du coup, je vais aller la voir, je vais lui demander son numéro de téléphone. Voilà, puis, c'est ça. Et après, je parle avec. Ouais. Donc, je discute par SMS avec elle. Ah, parce qu'elles acceptent de te donner leur numéro de téléphone. Ça a l'air simple. Hein. Oui. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Les Marseillaises. Mais non, mais attends, mais moi, je suis déjà allé à Marseille. Enfin, voilà quoi, tu vois. On ne donne pas un numéro comme ça, merde. Donc, après, voilà, après. Oui. Non, mais après, voilà, on me donne leur numéro. Et moi, après, je parle avec eux. Ouais. Elle. Et des fois, avec elle. Ouais. Et après, je demande par exemple des photos et elle, c'est où elle me les envoie et où des fois ça peut arriver que je couche avec. C'est pas vrai. D'accord. Ça. Mais bon, c'est fréquent ou au final c'est assez rare de concrétiser? Non, franchement, c'est assez rare. D'accord. Et quand ça me le fait, c'est voilà, ça peut être. Je sais pas, ça peut être sur une courte durée en fait. Ouais. Est-ce que toutes les filles que tu croises, vraiment sans, il y a pas de, enfin c'est vraiment 100% des filles que tu croises, tu les imagines nues, et 100% des filles que tu croises, tu vas leur parler? Non, en fait c'est que celles qui me plaisent. D'accord. Et alors, t'as vu mes loges du standard ou pas? Non. Non? Bah regarde une photo d'elle et imagine-la toute nue. On va t'en envoyer une, Jonathan. Avec son numéro. Oui. Parce que Méloche, elle est célibataire. Oui. D'accord. Et ça fait 601 jours qu'elle n'a pas vu le loup. Oh là là. 602 602 jours. Ça doit être compliqué. C'est très serré là en bas. C'est très serré en bas, tu entends ça. Et alors, Jonathan, oui. si on peut rassurer peut-être Jonathan, Doc. Bon, alors, sur le fait pur et dur de juste fantasmer sur elle, les voir nues, les imaginer en sous-vêtements, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux dans ta tête. Ça, c'est pas le souci. D'accord. Voilà. Bon, après, toi, ça a l'air de t'aider pour ensuite aller leur parler. Bah, très bien, t'as de la tchatch, tu sais faire, tu récupères des numéros de téléphone en plus. Et parfois ça marche. Moi je vois pas de problème dans tout ça si c'est fluide. Juste de faire attention à pas les forcer. Non, après, voilà. Après moi je les force pas, j'y vais. Mm-hmm. Je leur demande le numéro, elles veulent pas, ben c'est pas grave. Direct tu demandes le numéro comme ça. T'arrives, ouais. Bonjour, je voudrais ton numéro de téléphone. Ah ouais, à mon avis c'est comme ça qu'il fait. Hein. Oui. Et puis ça peut sur tu sais sur 100 essais, il y en a une qui te donne un numéro. Hein. Bah, ça doit être un beau gosse aussi. Mais hein. C'est ça. Moi je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr, non. Je sais pas pour que ça marche comme ça. Enfin, incroyable, non. Je suis capable. J'ai un pouvoir, Doc. Ouais. Je vais te le dire. Je suis capable d'imaginer le physique de la personne rien qu'avec la voix. Ouais. Je me suis fait avoir à ce jeu-là. Ouais. Ah ben moi jamais. Je croyais aussi. Mais... Par exemple, je saurais vous dire si Jonathan. Enfin, comment est Jonathan physiquement, par exemple. C'est comme s'il était face à moi là. Jonathan, tu me réponds par oui ou par non, d'accord? Oui. Tu es roux? Non. Attends. Parle un peu encore. Tu es. Ah voilà, je me suis trompé. Je suis pas roux. Non, mais c'est parce que t'as eu un petit chat dans la gorge. Et c'est pour ça que j'ai pas. Donc t'es blond aux yeux bleus. C'est ça. Voilà. Voilà, bravo. Voilà. Non, c'est tout. Ouais, bon, et après? Tu veux savoir quoi d'autre? Je sais pas, la carrure, combien il mesure. La carrure? Alors attends, dis-moi un truc, Jonathan. Je sais pas. 1m70 à peu près? Non. Bah, combien? Je fais 1m80 pour 105 kilos que je muscle. D'accord, donc je dis à Kassim d'aller bien se faire foutre avec ses indices de merde. Hein, tu sais quoi, je voulais être une arnaque. Et ben là, je suis une arnaque complètement ratée. Jonathan. Oui. Jonathan, oui. Tu reviens plus, d'accord? D'accord. Tu reviens. Il me dit d'accord. Jonathan. Oui. Tu seras toujours le bienvenu ici, mon Jonathan. Il n'y a pas de souci. J'aimerais terminer toutes les émissions avec toi, là, cette semaine. Ah, avec moi? Ouais. Ça te dit tous ou pas? Tous les soirs. Ouais, tous les soirs, oui, on s'appelle. Il n'y a pas de souci. Ok, et bah, tous les soirs, on va s'appeler Jonathan, à partir de ce soir jusqu'à jeudi soir, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ok, tu prépares un petit truc à l'antenne, hein, d'accord? Comment fait un petit truc? Bah, je sais pas. Bon, tu sais quoi, on verra ça demain, d'accord? Un pro. Allez, ça va. Allez, ça va, à demain, Jonathan. Allez, à demain, bonne soirée. À demain. Salut. Les amis, merci pour cette soirée. Nous, on se retrouve dès demain. Justement, on sera là de 22h à minuit. Il arbore un magnifique pull ce soir. Un magnifique pull de Noël. Oui. Avec en plus Sonic dessus. Bah, c'est pour ton côté geek. Bah voilà, j'ai. Non, mais ça me fait très plaisir. Tu l'as mis pour moi. Oui, non. Exactement. Qu'est-ce que tu cherches dans ton téléphone? La playlist de Party Fun Deep. Ah d'accord, parce que tu sais pas encore ce que tu vas passer, quoi. Si, je sais. J'avais préparé un petit blind test pour t'annoncer le premier titre. Ok. Si je te mets ça. Vas-y. Est-ce que ça te parle? Oui. J'y vais. C'est parti. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. On arrête. Voilà, les mystérieuses cités d'or. Exactement. T'as autre chose? Vas-y. Non, mais c'était ça le blind test. Parce qu'on va démarrer par Tiffany Deep avec ça en remix, qui est le nouveau Bob Sinclair. Ah, Bob Sinclair a repris les mystérieuses cités d'or. Oui, ça s'appelle City of Gold. Je ne ferai aucun commentaire. Et voilà. Je vous souhaite une belle écoute. T'as envie d'écouter du coup maintenant? Ah ben grave, j'ai hâte d'entendre ça. Non, c'est vrai que c'était un dessin animé dans les années 90 qui a été d'ailleurs repris. 80. Mais oui, il y a eu une suite, une saison 2 et saison 3. Ouais. Et ça a été repris. D'ailleurs, c'est la nouvelle version est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est dit. Merci à tous. À bientôt. À demain. Salut. Sur Fun Radio. Ciao. Salut. Ladies and gentlemen, welcome. Feel this sensation. The deep, the party, the fun. Come on and feel it. Try it. Come on and live it. Party Fun Deep with Nico C. Minute 30 en direct, Party Fun Deep, la dernière avant les vacances. Party Fun Deep, saison 4, épisode 17 déjà, avec The Power Repeat, avec le son de Môme. Il y aura du Nico D'André également avec The Shape, ça j'adore. Grosse nouveauté, chanteuse suédoise que j'ai découvert il y a quelques semaines et j'adore ça, Promised Land. Ça débarquera dans le prochain quart d'heure. Et comme promis, voici en exclu le nouveau Bob Sinclair avec le sample de Cité d'Or, City of Gold, pour démarrer Party Fun Deep. On y va comme ça. Tiens, vous voulez choisir un son, n'hésitez pas, hashtag Party Fun Deep sur Twitter. On y va comme ça, welcome on board.